Alors, il y a un papa qui connaît aussi, apparemment. Il y a un papa, attends, on va voir, on va vérifier. Très bien. Je voudrais qu'on s'arrête vers ce monsieur en short du premier rang, qui est donc l'un des seuls bonhommes de cette émission ce soir du public, qui à mon avis est un papa, qui a été saoulé à Tal et donc visiblement il... Non, c'est un fan. Non, si, c'est pas un papa. Bah alors pourquoi tu dis non, toi? C'est un papa fan. C'est un nouveau Pokémon, le papa fan. Non. Ce qu'il a dit, il a dit oui, elles m'ont saoulé aussi. Bah oui, c'est-à-dire que ça sent le père qui a été, qui a entendu ça non-stop et qui à force a appris les chansons. Ouais. Voilà un petit peu. C'est quoi le prénom? Karim. Ça va, Karim? Très bien. Ce petit short, il vient d'où? Ce petit short des vacances. Ce petit short, il vient d'Angers. Un petit short. C'est un petit short d'Angers. C'est le petit short en jean coupé court. Voilà, très bien. Bon, et alors, tu connais toutes les chansons de Tal? Non, pas toutes. Je les fredonne. Ah, non, tu les as pas fredonnées, tu les connaissais par cœur. Il y a deux minutes, j'ai mis celle-là. Tiens, regarde, par exemple. J'ai trouvé le sens. C'est la raison qui m'entraîne. À chaque fois, devant de la scène. Tu la connais pas celle-là? Il en panique. Oh le prêtre! Oh là là! Ah ouais! Marcher sous le soleil! Bienvenue en tout cas, bienvenue d'Angers! C'est qui la fille? C'est laquelle? Ça va, mademoiselle? Qu'est-ce que tu fais avec ta guitare? Qu'est-ce que tu fais avec ta guitare, toi? Elle va la faire signer, non? En fait, non. Bah non, non, tu tires pas ma guitare! Et on a vérifié que c'était une guitare à l'intérieur. Non, oui. C'est une arme. Mais c'est sûr, c'est une... Non, c'est une vraie guitare. On a un service de sécurité au top. Alors, pourquoi la guitare? Bah en fait, je voulais demander si c'était possible de chanter un peu avec Tal. Ah, ça va, t'es à l'aise, toi. Elle s'organise son duo. Et puis, il y a son producteur qui est venu pour signer un contrat. Ouais, c'est directement. Ça. Ah non, oui, non, t'es un peu abusé quand même, là. Directement, non, chanter avec. Qui ne tente rien à rien. Oui, d'accord. Elle a pas tort. Hein. Ouais, mais bon, là, quand même. Tu joues bien, vraiment, ou pas? Bah, Tal, elle a vu une de mes vidéos et elle a aimé, donc. Oui, mais enfin, bon, c'est pas parce qu'il y a eu un like. Oui, non, c'est pas un like, non, elle m'a répondu. Moi, des fois, je fais des likes à des tweets de merde, j'en ai rien à foutre. Non, elle m'a répondu. Je mets like. Elle m'a répondu. Elle t'a répondu quoi? Bravo, dégage, ma belle. Plus jamais. Arrête la guitare, fais de la batterie. Ah, faudrait qu'on la teste. Non, elle est pas méchante. Eh ben écoute, on verra tout à l'heure. On peut la prendre si... Hein. On verra. Bon, l'équipe va bien? Ouais. Vous êtes en forme, tout le monde? Ouais. Je voudrais saluer notre ami t-shirt en marbre, notre stagiaire. Il y a un t-shirt en quoi aujourd'hui? Il a un t-shirt ringard. Normal. Voilà, normal. Qui m'a offert tout à l'heure un petit café, mais regardez-moi le petit faillot. Le café avec le petit couvert. Ah, c'est bien ça. Tu restes chaud. Mais c'est mignon ça, c'est bien. Non, en fait, c'est surtout pour vous, pas voir qu'il a craché dedans. Ouais, c'est ça. Par rapport à ce que tu lui as niqué son t-shirt. Il a regardé, il s'est dit tiens, on voit que le molar flotte. Ah. Bon, Margot. Oui. La notice de la console, tu commences à comprendre? C'est bon. C'est bien, on y arrive. Le reste de l'équipe, Mika, Stouf, au standard, vous êtes bien? Ça va. Ça va les deux? Vous chauffez un petit peu sexuellement ou pas? Elle est chaude, Stouf, elle est chaude. Ah, elle est chaude, Stouf. Ça pourrait être ta cam, Mika. Ouais. Tu regardes plus que 7 secondes. J'attends une déloc, moi. Oh, les deux. Les deux au standard, je ne les entends pas de toute l'émission. C'est vrai, d'habitude. T'as vu? Je pense que quand vous nous appelez au 0870-42-48, c'est eux qui vous répondent. Mais moi, on les entend pas, ils sont discrets, mais à mon avis, ils font leur business derrière, là, genre. Ça se tripote, ouais. Ça va être chaud. Bon, sinon, on va faire un bisou à Juliette. Ça va, ma petite Juliette? Ça va, et vous? Je suis trop contente. Oh, bah, nous aussi, t'as 12 ans, t'es à Jouarre, tout va bien? Oui, ça va. Bon, tranquille. Bah, ça me fait plaisir qu'on commence l'émission avec toi. Alors, on a juste le temps de se faire un gros bisou. Bah, je voulais faire un gros bisou à Julie parce que je l'adore. C'est vrai. Et à Margot parce qu'elle fait des gaffes. T'appelles ça des gaffes? J'appelle ça des erreurs, moi. Moi, j'appelle ça des fautes graves. Ouais. Ici, à la direction du personnel, ils appellent ça des fautes graves. Et un licenciement. Tu vois, ici, voilà, c'est des motifs de licenciement pour certaines personnes dans les étages. Vrai. Mais toi, tu appelles ça des gaffes. Oui. Voilà. C'est plus Merci mignon. Juliette. Revenons sur ce petit blanc du premier jour. Attention. Je me balade en paix. Attention. Tu vois, écoute, c'est le goût de ce blanc. Tous les soirs. Voilà. Et bah, c'est une gaffe. Mais voilà. Tu vois, pour se défendre, elle pourra dire, mais c'est juste des petites gaffes. Ouais, je te fais un gros bisou. Je te fais un gros bisou, ma Juliette. Tu nous écoutes, hein, je compte Merci. Sur toi. Hein. Bisous, ma chérie. À bientôt. C'est quand la rentrée? C'est dans deux jours. Vendredi. J'adore ces rentrées où t'arrêtes et tu commences et t'es déjà arrêté. C'est magnifique. Voici Mann, c'est Zelmerlo. Ça y est, maintenant, on sait que c'est un garçon. Oui. Qu'il est français. Bah, c'est un homme. Hein. Et il viendra nous voir bientôt. Ouh, c'est des fois on a des surprises, on ne sait plus. Allez, bienvenue sur Énergie, on est mercredi, Tal est notre invité tout à l'heure. Je te mens, je ne fais que ça, et dans mes yeux tu le lis. Je te mens, mais je sais déjà que je suis bientôt pris. Je ne trouve jamais rien de mieux à croire que j'aime ta jalousie. Je sais qu'on perd toujours à ce jeu, qu'un jour tu seras parti, j'ai ça dans la peau. Jusqu'à la fois de trop. Chaque fois je détruis ce que j'ai de plus beau. Car du mal je m'en fais aussi. J'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game. Wish I could just let it be. Should've left but I did it again. And now it all fires back in me. Je fuis ton regard. De peur qu'il soit trop tard. Ça. Et dans mes yeux tu le lis. Je ne suis qu'un homme. Il a gardé les mêmes ? Oh, mais qu'il est con ! Koé, 19h-22h sur Énergie. On est sur Énergie, merci de nous avoir choisis tous les soirs, 19h-22h, c'est le retour. Je m'appelle Koé, il y a Julie, il y a Piette, il y a Guiguette, passez-nous un coup de fil, 0870-42-48. Tout à l'heure, il y aura Tal qui sera notre invité, avec tout le public qui est venu que pour elle. Il y en a devant Énergie, il y en a partout. Hein. Il y a des, ah, y a des gens qui... Ah, il y en a devant, j'ai pas vu. Mais elle est mignonne, Tal, elle est gentille, ça fait partie des artistes que elle les gens aiment bien. Elle a tout pour elle, elle chante bien. C'est vrai, il y a des fois des gens, c'est des gros cons, ouais. Pas beaucoup, heureusement. Il y a des artistes qui se la racontent un peu et Tala se la raconte pas, elle est gentille. Jamais. Donc elle a des artistes, qui, elle a des publics qui est gentil avec elle, ça va avec. Voilà, c'est vrai, elle danse bien. Ah, le petit bout, la petite Attends, danse du cucu. La danse du cucu. Elle sait bien faire, elle le fait moins, mais quand elle le fait, c'est mignon. Hein. Demain, il y aura Nash. Et puis on aura plein de stars qui vont venir nous voir. Il y aura Monkin V qui va venir, il y aura Zao qui va passer. Laissez-les parler. Ça va, Jean? Ouais, nickel, et toi, mon coco? Putain, un jeune qui s'appelle Jean. Jean. C'est que c'est mon deuxième prénom, Jean. C'était ouais. pas Raymond. Ce n'est pas fait, non, c'était Raymond. Maurice. Maurice. C'est Sébastien. Maurice, Maurice Jean. Jean. C'est ça. Bah attends, je cumule. Jean, Louis, Jérôme, François. Ah, ah oui, d'accord. Maintenant, ils t'ont donné le pire, en fait, en premier. Ouais. En Jérôme. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai eu la chance parce que c'est vrai que Maurice et Jean, ils me les ont planqués en deuxième et troisième prénom. T'imagines, Maurice C'est Maurice sur Énergie. Maurice Coé, sur Énergie. Pas mal, hein. Non, c'est... Bon, tout à l'heure, on aura des nouveaux rendez-vous dans l'émission. Il faut que vous soyez là. On aura le super jeu, ça vous connaissez. Qui veut épouser un membre de l'équipe, ça vous connaissez. On aura vous au téléphone et on aura le G1 Service à te demander. Oui. Le G1 Service à te demander, c'est un nouveau truc qui permettra de voir si vous pouvez vraiment compter sur vos amis. C'est ça. Parce qu'on dit toujours que ces amis, amis, on peut compter dessus que quand on a des soucis. C'est vrai. Et bah, tout à l'heure, vous pourrez voir si on vous poserait, vous demanderez un service à un de vos amis. Ouais. Genre, vous êtes en galère. Genre, une galère qu'on va vous inventer. Et vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Et on verra si on peut vous pouvez vraiment compter sur vos potes. Ouais. Pour l'instant, Jean, tu nous envoies un, tu nous envoies un mail ? Oui, oui, mail. Oui. Ah, vas-y, là. J'ai pas envie de lire le mail. Vas-y, fais ton boulot. Vas-y, vas-y. Je sais pas si, dans un premier temps, je sais pas si tu te souviens de moi, je t'avais envoyé avec ta photo d'identité un petit montage en viking. Je sais pas si tu te souviens. Il y a combien de temps ? Dis oui. Il y a la dernière saison. Quand, bien sûr avait, le fameux viking. Il y a quelqu'un de ton équipe qui avait publié une photo de toi, une photo d'identité sur Twitter et on s'était amusé à faire des montages. Putain, on y était là. Mais je me souviens une fois, on avait fait les cons avec des moustaches de trucs de viking et tout. C'était en déloc tous les trois avec Gaguette. Ouais, alors, et il avait peut-être pas repris ça pour. Ouais, mais là, comme ça nous revient pas. Hein. Mais bon, écoute, ça nous reviendra de toute façon. On t'habite où ? Non, j'habite à côté de l'île. D'accord. Dans le nord. On va revenir bientôt dans le nord pour le One Man. On va aller à sa mère. Mais non. Il y a une ville qui s'appelle sa mère. Donc on va aller là-bas. On va repartir du côté de Lens. On a plein de dates dans le nord. Il y a Lille au mois de mars, je crois, pour le One Man, le nouveau One Man. On va kiffer. Et puis à chaque fois, c'est un bonheur d'aller dans le nord. Qu'est-ce que je vous dise ? Bon, je t'écoute, mon poteau. Qu'est-ce qui se passe ? Allô ? Jean ? Jean, où es-tu ? Qu'il était de Lille. Jean, tu as été enlevé par des extraterrestres, Jean ? Jean ? Oh putain, des extraterrestres, ils l'ont enlevé pendant qu'on parlait à Jean. Jean ? Allô ? C'est Margot qui a coupé son micro. Tu étais où, Jean ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On t'entendait plus. Qu'est-ce que tu faisais ? Je sais pas. Non, je suis là. Ouais. Tu nous appelles pourquoi, Jean ? Ouais. Vas-y, on t'écoute. Je t'ai envoyé un mail parce que t'étais le premier à dire, Coco, que les personnes qui perdaient du poids, elles étaient plus drôles, tu vois, avec le temps. C'est vrai. Du coup. Me poser la du question, coup, on est où comment tu peux faire pour être aussi drôle en perdant du poids ? Alors, c'est très rigolo que tu me dises ça parce que ce matin, sur mon scooter, j'y pensais exactement. Je me disais, à chaque fois que j'ai vu quelqu'un de gros qui maigrit, tu me disais, il est plus drôle. Eh ben, le meilleur exemple, c'est Laurent Ornac. Ouais. Le mec de Bad Trip. Mais je crois avoir une explication parce que comme j'étais sur mon scooter, j'y ai réfléchi. Alors vas-y, dis-nous parce que. J'y ai réfléchi et je crois avoir trouvé une explication qui vaut ce qu'elle vaut. Vas-y. Je me disais, mon délire de dire quand t'es gros et que tu maigris, t'es plus drôle, c'est que je pense que ça compte surtout pour les gens qui ont beaucoup misé sur leur physique pour être rigolo. C'est-à-dire beaucoup de gens qui ont misé et où on leur a donné un truc parce qu'ils étaient gros. Tu vois, le mec de Camping Paradis, Laurent Wernack, c'est parce qu'il était marrant, mais gros, il y avait un ensemble. Ouais, jovial et tout. Tu vois, tu regardes tous les gens, le mec de Very Bad Trip, c'est parce qu'il était ridicule et c'était beaucoup misant là-dessus. Et je sais pas si moi ça. Je sais pas, en fait. Arrêtez vos conneries, il en reste encore, merde. T'as vachement joué aussi là-dessus, toi. Mais je suis pas maigre, j'ai pas joué là-dessus. Il y a un moment donné, tout le monde se fout de ta gueule quand t'es gros, ça, donc vaut mieux que t'en joues. Toi, oui. Plutôt que. Tu me fais moins rire depuis un ou deux mois. Moi je trouve pas. Vous trouvez, moi je trouve pas. Tu vas vouloir faire un film dramatique là dans un mois, ça sent, je suis sûr. Pas du tout. Moi j'ai ma thèse, c'est que ceux qui ont beaucoup maigri. Et qui se prennent maintenant pour des beaux gosses, ils sont plus drôles. Voilà, c'est ça en fait. Mais ceux qui continuent à pas se prendre au sérieux, ils restent drôles. Je pense que la ouais. Attends, t'as pas mis ces photos sur Instagram, hein. Mais arrêtez, sans déconner. Mais là, vous me faites chier. Oh, je déconne. Non, tu déconnes pas, parce que j'ai lu 3-4 commentaires de gros connards là qui disent oui, ah bon quel ego. C'est vrai. Sans déconner. Moi, je plaisante pour le coup. Tu te prends en photo, torse nu, quand t'es gros, tout le monde fait. T'as perdu 10 kilos, tu te prends en photo, les mecs font comme ils se la racontent. C'est la même photo, c'est le même décor, c'est le même truc, mais les gens ils changent d'avis. Mais tu vois, maintenant tu vis tout ce que les mecs musclés. Mais c'est pas ça, c'est qu'il y a un moment donné, quand on chie pendant 3 mois à faire un régime, à bouffer que de la salade et du poisson grillé, c'est quand même suffisamment relou. Et tous les gens qui font des régimes, qui m'écoutent, savent ce que je dis, pendant que les autres ils bouffent des pépitos, ils se font des tartines, ils se mangent des granolas devant ton nez et des hamburgers. Et toi, t'en es à ton. C'est lourd, hein. Toi, t'es un poisson grillé et tu manges du yaourt, fromage blanc 0%, t'en as tellement chié que des fois t'es content de prendre une jolie photo. Et quand tu fais une jolie photo, t'as 4 connards aigris qui font ouais, tu te la racontes, je t'emmerde. Voilà, je t'emmerde. C'est pas toi qui manges du yaourt plutôt que de manger un donut. Moi aussi, je préférerais manger un donut tous les matins. Et je dis donut, c'est pas donut, c'est je t'emmerde aussi. Hein? D'accord ? Si j'ai envie de dire donut, je dis et donut. Et s'il a envie de manger un chewing-gum, il mange un chewing-gum. Si je mange des chewing-gum parce que je sais pas dire chewing-gum, je mange des chewing-gum. Je crois que Laurie, ça a quelque chose à te montrer. Oui. trouve que t'es assez simple sur ces photos. Mais je l'ai là, je l'ai fait ça. Mais vous savez quoi, quand je publie une photo avec une vanne, vous la prenez premier degré. Mais c'est non. Moche. Parce que j'ai pris la photo où justement. Mais t'as raison. Je me remets les cheveux que j'ai pas. Voilà, c'est bon. Donc. Tu sais, les mecs qui sortent de l'eau et qui se remettent les cheveux. Donc, tout ça pour répondre aux gens. D'abord, je suis pas maigre, j'en ai encore à perdre. Et non, mais faut pas que tu perdes plus. Hein. J'ai pas envie de devenir maigre, mais ça fait du bien de pouvoir re-rentrer dans des jeans que tu regardais sur les autres. Ouais. Voilà, et à un moment donné, ça fait du bien de remettre des jeans qui étaient un peu plus. Non, mais après, ouais, quand tu perds du poids, t'es content de le montrer aussi. Oui, c'est comme si tu réussissais un truc, t'as un diplôme, t'es content de monter ton diplôme. Ouais, on t'a vu torse nu dans la vidéo quand on est allé chez l'auditeur, et toi, maintenant, t'oses. Alors, vous savez quoi, je n'avais pas vu cette vidéo. Ah. Et je comprenais pas pourquoi je recevais des messages de potes qui me disent bravo, je viens de voir le résultat. Je dis mais de quoi ils parlent. Et je viens de comprendre que vous avez mis le passage où je me change chez l'auditeur. Parce que t'es bien. T'es non, bien mais ce qu'il y a, c'est que maintenant le problème, il trouve des excuses pour se mettre torse nu tout le temps. C'est clair. Oh, une mouche m'a chié dessus. Je vais mettre torse nu. J'ai un petit peu chaud. Bon, je te fais un gros bisou, mon Jean. Écoute, je te promets un truc, mon poteau. Je vais essayer d'avoir encore quelques vannes, même si j'ai quelques kilos de moins. D'accord? Ah bah écoute, y'a pas de problème, je te fais confiance. Bah viens sur scène, t'as qu'à venir voir One Man et tu verras. Et j'ai vu Camping. Dès que tu passes à Sébastien, j'essaie, tu vois. Bisous mon pote, je t'embrasse. J'ai vu le replay de Camping Paradis en rentrant hier soir. Et alors? Et Laurent Ornac, il est méconnaissable. Ouais, c'est pas lui, c'est un autre comédien. Je pensais que c'était un autre comédien. Ouais, mais il a perdu beaucoup plus, les amis. Il a perdu 25 ou 30 kilos, c'est pas le même. Il a perdu plus que ça. Bah là, tu changes de tête, hein. C'était plus le mec. Complètement. Bah ça va, j'ai perdu que 12-13. Voici Kung sur Énergie, j'espère que tout roule tout à l'heure. Qui sera notre invité tout à l'heure ce soir? Ouais, c'est Tal. Et lui, il se la pète pas, lui. On lui dit rien, lui. Il est torse nu, il fait. Et on lui dit rien. De fil, envoyez-nous vos messages 0870 42 48, c'est gratuit, ça vous coûtera rien. On revient dans deux minutes. Un pour tous. J'ai trop hâte de les voir. Je connais déjà toutes les chansons par cœur. C'est mon livre préféré. Tous pour un. Les Trois Mousquetaires, l'expérience musicale la plus spectaculaire de l'année. Olivier Dion, Brahim Zaibat, David Bann et Damien Sargue vous donnent rendez-vous à partir du 29 septembre au Palais des Sports de Paris. Ah, c'est trop bien. Avec Énergie, it's music only. Britney Spears. Découvrez Glory, le nouvel album de la reine de la pop. Britney Spears, son nouvel album, maintenant disponible. MAF Assurance présente, Parole de Pro. Bonjour, je suis votre conseillère MAF Pro. Vous les pros, vous devez savoir qu'avec l'assurance AutoMAF Pro, si votre véhicule professionnel est immobilisé pendant plus de 2 jours, une garantie compense votre perte de chiffre d'affaires en prévoyant une indemnisation dans la limite du plafond choisi. Voilà, c'est dit. C'est MAF Pro. Et c'est pour vous, les pros. Option perte financière détaillée dans le contrat AutoPro disponible en agence et sur maf.fr. Une rentrée cool pour Darty, c'est accéder à toute l'innovation sur sa box internet avec une assistance de jour comme de nuit. Et si en plus on est récompensé, il n'y a pas plus cool comme rentrée. Du 17 août au 24 septembre chez Darty, la B-Box Miami de Bouygues Télécom avec Android TV et tous les services exclusifs Darty inclus est à 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. En plus, Darty vous offre une carte cadeau de 100€. Engagement 12 mois, location box 3€ par mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Carte cadeau utilisable jusqu'au 15 avril 2017 dans les magasins Darty, hors darty.com.

beaucoup de filles. Il y a 2-3 mecs qui se perdent comme ça. Qui fait des fois des suçons? Est-ce qu'il y a des filles dans le public qui font des fois des suçons à leur chérie? Ah oui, tu le vois! C'est ça bien! Se fait encore, ça? Mais oui, ça se fait, ça se fait quand t'es ado. Ouais. Quand t'es ado, tu fais toujours un petit suçon et tu dis à ton mec, tu fais comme ça, tu penseras à moi. Puis le mec, il rentre, il se fait défoncer ouais, par des parents. Ouais, ouais, c'est surtout pour que les nanas voient qu'elle lui appartient. Ouais, il est marqué. Oui, c'est ça, monsieur. Eh, vas-y, comment il s'appelle ton chéri? Bruno. Tu fais des suçons à Bruno? Bah oui. Tu lui fais où? Dans le cou? C'est Steph. Bah, tu veux qu'elle le fasse où, Steph? Sur le zizi. Elle est montée à l'envers. Elle dit dans le cou, c'est mignon. T'as fait oh, c'est sale. Elle aurait dit zizi. Mais oui, dit, elle aurait dit sur la table. Ah, sur la table, oui, mais pas voilà. Ça fait des sales traces. Oui, ça fait des sales traces. Bon, on en a tous eu quand t'es ado. On a tous eu ça. Et il dit rien. Non. Écoute bien cette info, mademoiselle. C'est quoi ton prénom? Tatiana. Tatiana, il y a une copine, une jeune fille comme toi, au Mexique, 17 ans. Elle fait un suçon à son mec. Comme ça, genre, tu m'appartiens, Bruno. Tu es à moi et tout, etc. Et ben, le garçon, elle lui a fait un suçon. Le suçon a provoqué un caillot sanguin. Ça a atteint le cerveau. Et Rulio, il a eu une attaque, il est mort. Non, non. Appelle Bruno tout de suite. Mais non. Tu vois ce que tu risques en faisant des suçons à Bruno? Ah, c'est dangereux. T'imagines? Elle a arrêté d'en faire. Oh. C'est hyper dangereux. Je crois que c'est pas bon. C'est à la dangereux, base. C'est dangereux, c'est dangereux. Imagine Guéguette avec les dents qu'il a. Oh. Guéguette, il fait un suçon à sa meuf, lui arrache la jugulaire. Oh. Ah non, mais c'est mort. Répondeur. C'est le répondeur. Il y a quand même. C'est ridicule. Il y a quand même Julie qui a profité du temps du jingle pour demander à Guéguette si avec les dents qu'il avait, ça gênait pas pour rouler des pelles. Ah si, j'ai fait des balafres. Bon, allez, on en parlera plus. Guéguette, ça gêne ou pas? Bah non, ça gêne pas. Bah t'as quand même une belle rangée mais en haut et en bas. Elles sont pas devant quoi. Non, mais justement, sans être devant, elles sont bien à la verticale, c'est ça le problème. Ouais, mais j'ai une grande bouche du coup, il y a la oui, place. Il faut que tu trouves une nana qui ouvre la bouche aussi grande que toi. Non, mais là, vous parlez de pelles, mais il y a pire. Ouais. Il est trop tôt. Ouais. Non mais j'ai rien dit. Non mais il y a pire, on en imagine tous. On imagine, mais non, ça va aussi. Ouvre ta bouche. Ah oui, non, j'ai une énorme bouche. Mais oui, mais ça t'a fait flipper de rouler une tête. Ah ouais, putain, c'est un requin, on va t'appeler requin. La bouche en gros. À la Réunion, il y a des attaques de guéguettes. Oh là là. Il mange des surfeurs, guéguettes. Allez, en attendant, on va écouter quelques-uns de vos messages. Ah, t'as une grande langue. Mais j'ai un grand tout. T'as un grand tout. C'est incroyable. Bon, allez, restez avec nous. Écoutez, voici quelques-uns des messages que vous nous avez laissés. Salut Koé, c'est Ilona. Pour faire un bisou à tout le standard et vous dire que ce que vous faites, ben, c'est super. Merci. Et j'adore votre émission, j'écoute tout le temps, tous les jours, tous les soirs, enfin tous les soirs à 8h, ouais. Oui. Ouais. Ben, un bisou à tout le monde. Bisous. S'il vous plaît, du Booba sur énergie, Booba. Du Gradur, oui. S'il vous plaît. Inter Robert, je connais pas mon numéro de téléphone, okay. Désolé. Koé, oui. J'aimerais que tu réponds à mes messages, Koué. Bisous. Oui, salut Koué, c'est Jean-François Dichrand et j'écoute la radio en même temps que la télé, j'écoute les tours de poitrine. Ouais. Et j'ai été marié avec une 95C. Génial. Donc j'aime bien faire beaucoup de choses aux nanas. Ouais. Bonjour monsieur Koué, Jean-Louis. Salut les routiers. Du Burundi et les danseurs. Et si vous venez dans le Jura, ben, vous prévoyez du bégon jaune, du bégon vert et du bégon bleu. Alors, voilà, merci messieurs. Eh bien, c'est bonne tout. Journée. Au revoir, monsieur. Salut Jacques Villeray. salut Coluche. Salut Alain Delon. Oui, apparemment, tout le monde refoule Jean-Louis. Hein, c'est. Bonne journée, merci. Il est fantastique. C'est du Booba ou du Gradur. Je connais pas mon numéro. C'est vrai qu'on appelle Jean-François qui aime bien les gros sons. Restez avec nous. Oui, 95, il aime. Il a dit qu'il aime faire beaucoup de choses aux femmes. Oui. Faudrait que Stouff l'appelle. Ça fait un petit peu flipper. Ouais, quand ah même. Oui, c'est vrai que de. On a ce qu'il faut. Hein. C'est impressionnant. Bienvenue sur NRJ. Voici 21 Pilot. J'espère que vous passez une bonne soirée. Dans un instant, on aura la suite de nos conneries. Willy William. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. Too many bullets coming through, metaphorically I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. I'm on my ride. Sur les autres radios, c'est tout pété. Ils sont morts dans le film. Mais c'est de la merde. Koé, 19h-22h, sur Énergie. C'est la vie. Bienvenue. J'espère que tout va de votre côté. Vous aviez kiffé l'appel du tonton bourré. J'ai vu tous vos messages hier. Vous avez kiffé quand on a fait le question pour un yeuve. On refera le question pour un yeuve. On refera ça demain, je pense. Et demain, on vous fera une émission un peu spéciale où il y aura une sortie dans la rue. Mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Je peux juste vous dire, il faudra être au taquet demain soir. Demain soir, c'est émission où il faudra. Attention. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais si vous êtes au taquet, il y aura gros cadeau. J'ai hâte. C'est très bien cette phrase que tu as rajoutée. Cette phrase qui montre que tu t'intéresses à l'émission, Margot. Eh bien, ça me fait plaisir que tu aies hâte. Voilà. Elle essaie de se rattraper. Ouais. Tu sais, c'est comme quand tu es à l'école et que tu t'endors. Oui. Et que tu as le prof qui te regarde, il croise ton regard et tu fais. Ouais, c'est clair. Tu vois, moi, j'ai fait ça pendant des années. Elle m'a fait exactement la même chose. J'ai hâte. Bon, alors, en attendant. Elle sait même pas ce que tu as dit. Non, elle s'en fout, elle écoutait pas. Elle pourrait écouter ses jingles pour après. Bon, on écoutera quoi dans un instant, Willy William? Exactement. Ah, très bien. Sans blanc ou avec un petit blanc derrière? Super, on verra bien. Pour l'instant, on fait un gros bisou à Yanis. Salut, bon bienvenue pour qui veut épouser un membre de l'équipe. Ça va mon Yanis? Ça va. Yanis, t'as un peu stressé, mais non, ça va. Non, faut pas, enfin. Ta copine s'appelle Marion? Voilà, c'est ça. J'ai la photo de vous deux, j'ai la photo de Yanis, j'ai la photo de Marion. Ils sont mignons. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ouais, ils sont mignons, on fait un peu la gueule sur la photo. Ça fait un an maintenant. Ah non, mais pourquoi elle fait la gueule sur la photo comme ça genre? Elle fait tout le temps la gueule. Voilà, c'est un peu ça quand ça. Ça n'a pas duré longtemps, ça n'a pas duré longtemps alors. Elle fait souvent la gueule? Oh, ça arrive de temps en temps quand on s'embrouille quoi. Mais vous vivez ensemble apparemment? Non. Oui, en fait, si, on vit ensemble. J'avais votre appart chez moi et puis maintenant j'habite chez ses parents. Ah, chez ses parents carrément? Ah oui, donc, voilà. C'est pas difficile de vivre avec les beaux-parents? Bah non, franchement non, ils sont sympas. Bon après il y a des hauts et des bas comme tout, mais non, ils sont sympas, ça va. Profite de ta liberté. Mais c'est surtout qu'ils ont accès. Voilà, il l'a déjà plus la liberté. Ils ont surtout accepté qu'à 17 ans, leur fille ramène leur cousin. Ouais, mais si ta nana elle est très amoureuse et que le mec il est fréquentable, il est très sympa et qu'il est bien, bah vaut mieux ça qu'un tocard, non? Ouais, puis au moins t'as le contrôle. Vaut mieux qu'elle te ramène un mec bien, qu'il reste chez toi, que t'as un œil dessus, plutôt qu'elle soit avec un tocard loin de la maison que tu surveilles pas. Que ta fille ramène un mec qui dort chez toi? Enfin, bien sûr que non. Évidemment, enfin, je donne des conseils, mais je ne lui suis pas. Enfin, tu rigoles, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. C'est un peu violent. C'est violent. Bon, Yanis, tu vas dire à ta copine que finalement tu t'es mis avec qui? Eh ben, avec Julie. Ah, c'est crédible. Oui. Tu l'aurais rencontrée où? Elle aime les jeunes. Jeune, en plus. Quand même. Je l'ai rencontrée à Paris. C'est crédible. Et donc, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ma copine ou Julie? Mais non, non, Julie, ah, Julie, moi, Julie. Moi. Ah, Julie. Depuis un mois. Ça fait voilà, ça fait un mois. J'ai rencontré sur Internet. Incroyable. Vous avez déjà fait l'amour ou pas? Twitter. Ouais, ouais, ouais. Non, non, non, non, non. Si tu veux que ça soit crédible, chose. Tu ouais. dis oui, bien sûr. Oui. Si, si, ah bah oui, bien sûr. Oui. Mais juste une info, t'as un gros zizi? Perso. Oui. Ah bah oui, c'est crédible. Mais on est. Mais même si c'est un jeu, il faut qu'il soit un minimum crédible, Julie. Enfin, voilà. On est d'accord, Yanis. On t'appelle ta copine et après Julie prendra le téléphone en mode j'ai grosse du connasse. Mal, j'ai du mal. Eh bah, quoi, c'est parti, t'as hein. du mal. Allez, arrête, Julie. Je tu suis entraînée ça. Hier. C'est parti. Sois bon, Yanis. À gagner, cadeau. Allô. Ah, allô. Oui. Pourquoi tu m'appelles ouais. en masqué? Parce que mon téléphone il a bugué. Hein, ça va? Ouais, ça va, ça va. C'est quoi? Dis-moi, je t'appelle. Hein? T'es où? Bon, rien, je suis allé faire un tour. Ah. Je suis allé faire un tour. Dis-moi, je t'appelle, je voulais te dire un truc, je n'osais pas te le dire en face, donc bon. Ouais. Je pense que tu vas le prendre mal, mais qu'est-ce que je voulais te dire? Tu sais, quand je suis parti chez mes parents à Lyon pendant une semaine. Oui. Et bah en fait, il s'avère que c'était pas vrai. Et je voulais te le dire, je savais pas avec quel moyen il fallait que je te le dise, mais il faut que je te le dise quoi. Et t'es parti où? Bah je suis parti à Paris. Et t'es pas sérieux là? Bah si. Et t'es parti faire quoi là-bas? Bah c'est compliqué en fait. Comment ça c'est compliqué? Bah comment dire ça? Si tu veux j'étais ça fait tu sais Skype, j'y vais souvent. Ouais. Et puis bah j'ai rencontré une fille sur Skype, tu sais, je lui ai parlé un petit peu. Et puis bah j'ai fait connaissance. Et? Bah j'ai fait connaissance et voilà. Et c'est tout? Bah oui. T'es sûr? C'est une star. Ouais. J'y crois pas trop, hein. Pourquoi tu crois pas trop? Et il s'est rien de passé avec? Bah non, qu'est-ce que tu veux qu'il s'est passé? On est bon, il y a eu des trucs, tu vois, mais je vais pas te faire détail, quoi. Non, mais t'es pas sérieux, là. En gros, tu m'as mytho. Ça fait un an, on est ensemble, t'habites chez moi, ma mère, elle se casse le cul pour toi, tu me fais des trucs comme ça. Bah ouais, mais j'osais pas te le dire. Elle est connue, c'est une star, donc voilà. Mais t'es vraiment un enculé, en fait. Mais t'es attends, vraiment un enculé, y a pas d'autre mot. Sérieux, mais hein. Non. Moi, ça me fait pas rigoler, je te dis casse. Là, ce soir, tu rentres, tes affaires, elles sont faites, tu dégages. Je veux même plus voir ta gueule chez moi. Tu rentres chez toi, tu fais ce que tu veux, mais tu dégages. Je veux même plus te voir. Mais tu sais même pas c'est qui. Je t'ai même pas parlé de c'est qui. Arrête de t'énerver. Bah d'où je m'énerve pas, t'es sérieux, tu vas batifoler à droite à gauche avec des meufs et je dois rien dire, ça fait un an on est ensemble et tu me fais des trucs comme ça? Bah c'est Julie chez Koé, tu connais Julie chez Koé? Tu te fous de ma gueule? Pourquoi je me foutrais de ta gueule, je te dis la vérité? Non. Bah si. Genre t'es allé la voir, genre normal, t'es parti dans son studio, ouais ça va bien ou quoi? Bah mais arrête de te foutre de ma gueule. Bah si je te le dis. Bah j'y crois pas. Bah crois-moi pas. Là je suis parti loin et je vais aller la rejoindre. Tu es ou une autre, t'es quand même parti à Paname en me mentant et en me disant ouais machin, tu faisais tes textes d'amour là et après tu fais comme ça. Chérie, ça y est, tu lui as dit là? Ouais, je lui ai dit. Tu l'as dit à ta petite provinciale là? C'est qui d'ailleurs? Je lui ai dit mais... Hein? Elle dit quoi? C'est qui est avec toi? Bah c'est elle. C'était pas sur ça, elle se promenait tout seul. Ça fait trop longtemps que t'es au téléphone là, passe-la-moi. Allô? Ouais, je te la passe. Allô? Allô? T'es qui? Tu sais pas qui je suis? Non. Tu sais pas qui je suis? Ben non, je suis m'en bats les couilles un peu. Tu t'en bats les couilles? Je suis Julie, ouais. Je suis tous les soirs avec Koé sur Énergie. Genre, mais bien sûr. Quoi, genre, mais bien sûr? Bah si. Tu sais pas taper Shakira aussi, non mais allô. Non mais ça va ou quoi? Attends, moi je vois des stars tous les jours, toi tu vois qui? Je m'en bats les couilles déjà. Je la connais moi Shakira, c'est ma copine, je l'appelle. Ah cool, bah tant mieux pour toi. Et c'est tout ce que t'as à dire. J'en ai rien à foutre, c'est mon copain. Ça, rien à foutre. Voilà. Ben, ça fait un mois qu'il est avec moi, ça fait un mois qu'il prend son pied avec moi. Il en a marre d'être avec toi chez tes parents, là. Il s'en fout complètement de tes parents. Il se fait chier là-bas. Ouais, d'accord. Mais bien sûr, de toute façon, quand il rentre, ses valises, elles sont faites et puis un point, c'est tout. Moi, c'est bon, j'ai plus envie de voir sa gueule. Comme ça, il ira se taper des meufs où il veut. Il se fait chier au lit avec toi. Avec moi, au moins, c'est l'extase. Ah, bon, après, moi, j'en ai rien à foutre. Qu'il prenne son pied avec toi et qu'il me casse pas les couilles. Après, j'en ai rien à foutre, moi, de lui. Hein. Tu vois, je le prends comme ça, je m'en sers. Après, j'en ai plein des mecs. Hein. Ils sont à mes pieds, ils sont tous à mes pieds. Hein. En plus, elle est bonne, hein. C'est pas pour te dire, mais voilà. Prends-le pas mal. Mais t'es un fils de pute, T'es un mauvais plan. Tu dis des trucs comme ça, mais t'es pas sérieux dans ta vie. Bah, si, je suis sérieux. C'est quoi, t'es qu'un fils de pute, ciao. Raccrochage. Il lui a dit quoi parce que j'ai pas entendu du coup. Raccroché. Pas mal, pas mal. Allez, c'est là, eh bien, on s'arrête là alors. Hein. Bah, salut. Allez, au revoir. Salut. Je crois que là, je suis mort. Ceci dit, elle a l'air adorable. Ah, moi, j'ai. Tu sais quoi? Elle a l'air tendre. Sociable, serviable. Ouais. Et j'ai. Tendre, on va dire ça. Mais, et comme tu dis, et comme tu as dit tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux qu'il s'est passé? Qu'est-ce que tu veux qu'il s'est passé? Oui, c'est vrai. Bah enfin. Ah, c'est le stress. Bah oui. Et attends, il y a quoi? Tu fais des écrits des textes d'amour? C'est quoi cette histoire? J'ai entendu là. Et tu as les bâtis foulés? Je fais quelques textes d'amour, des moments ça m'arrive, elle me demande. Donc, allez, lover. On est en tour, c'est Julie qui lui reparle. Eh, tu fais partie batifolée. Mon bébé. Qu'est-ce que tu veux qu'il s'est passé? Allô? Eh, tu me raccroches pas la gueule comme ça, hein? Moi, je t'écrase avec mes loups-boutins. Je te raccroche à la gueule si j'ai envie, c'est quoi ton problème à toi? Avec mes phrases qui m'écrit, tu sais, mais ça vient comme ça. Oui, mais mets un peu de temps pour les dire. Salut, moi je t'écrase avec mes loups-boutins. Ça veut rien dire, Julie, mais un peu de. Allô, Marion? C'est qui? Comme ça, on lui dit au moins. Marion, ça va? Je te parle pas à toi. Qu'est-ce que tu veux qu'il s'est passé? Pourquoi tu me parles pas à moi? Vous êtes combien là? C'est quoi cette blague? On est 5. Ah, du retour. C'est longtemps. Il y a John. Sar. Fitz. Ouais. Gérald, salut. Ken, hello. Et Eddie. John, Fitzgerald, Ken et Eddie. Ouais, c'est qui? Ouais, bref, ça, je m'en fous. Je pourrais avoir Yannick au téléphone. Je pense que j'ai des explications à avoir avec lui, pas avec Pierre-Paul ou Jacques. Non, John, Fitzgerald, Ken et Eddie. Ouais, pas Pierre-Paul ou Jacques. C'est John, Fitzgerald, Ken et Eddie. J'ai une autre vanne, Pierre-Paul ou Jacques. On l'a jamais fait, n'empêche. Hein? C'est quand je prends les trois. Tu vas pas, tu peux aller à droite, à gauche avec des meufs et je dois rien dire. Allô? Bah écoute, c'est comme ça. Hein. Non, ça c'est non. Moi qui viens de le remettre. Yannis. Marion? Oui? C'est une vanne, on est sur énergie, c'était pour t'énerver. Il est pas sorti avec Julie, il est sorti avec personne, il est amoureux. Qu'est-ce que tu veux qu'il s'est passé? Enfin, qu'est-ce que tu veux qu'il s'est passé? Bah oui, c'est pas vrai. Quand je pense que demain c'est la rentrée scolaire. Voilà, il est retourné. Il y avait besoin. Marion, Yannis, vas-y, dis-lui un petit texte d'amour, vite, oui, improvise, un slam. J'ai écrit je ce texte. Ma vie. Ah, super! Oh, le slam de branleur! Je t'aime, ma vie! Oui, bah après, j'ai peur de me faire frapper dès que je rentre. Parce mais vas-y, que... non, mais hey, c'est le vas-y, moment. Fais-lui un petit texte d'amour. Vas-y, Yannis. T'es prêt? À l'improviste? Ouais, à l'improviste. Ouais, vas-y, à l'improviste. Non, à l'improviste, c'est. Hé, hey, c'est moi! C'est pas vraiment la même chose, mais c'est pas grave. Vous faites quand même des blagues un peu bidon quand même, hein, parce que c'est pas marrant, je vous promets. Qu'est-ce que tu veux qu'il s'est passé? Allez, Yannis, un petit texte à l'improviste. Bon, bah, allez, hein. Je t'aime, ma vie, dès que je te vois. Et dès que je sors, je vois ton rayon briller dans mon cœur. C'est tellement magnifique quand je parle de toi. Tu es mon honneur dans la vie. Voilà, c'est tout. Putain, on dirait du Booba, mec. Bravo, bravo. Ah, c'est beau. J'en ai Oh là là. Oh là là, on dirait ça. Elle était trop fraîche, elle était trop sexe. J'aurais cassé pour rentrer. Ah, mais sur le coup, c'est pas drôle. Ah, c'est beau. Bisous les deux, je vous embrasse. Yannis, il repart avec un cadeau, il repart oui, avec quoi, Yannis? Avec une enceinte Bose. Oh, Yannis! Ah, bah ça fait plaisir. J'espère bien. Je vous embrasse les deux, à bientôt. Ça fait plaisir. Des bisous. Soucis, bisous. Merci d'être là, inscrivez-vous. koeatenergie.com. Allez sur notre Facebook, Koe officiel. Suivez-nous, devenez nos amis, allez dans message, inscrivez-vous. On prend vos numéros. Voici Willy William sur Énergie. J'ai troqué ma voiture pour un vélo, roulé sur ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la, parce que moi je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, Paris, Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. We'll be right back.

contre-cœur. Le meilleur des pilules rouges et bleues, plus 7 inédits, disponibles maintenant. Leclerc. Maman, est-ce que tu prendrais un petit café carte noire fraîchement acheté chez Leclerc ? Des cartes noires en dosette ? Et avec 40% de tickets Leclerc. Ah, je vois. Corsé, classique ou espresso classique ? C'est parce qu'on gagne encore plus à être fidèle au moins cher que du 30 août au 3 septembre chez Leclerc, les deux packs de 48 dosettes de café carte noire, plusieurs variétés au choix, sont à 8,88€, soit 13,21€ le kilo, avec en plus 40% en tickets Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. Mmh, il est délicieux. Bah, c'est du carte noire. J'adore. Pour votre santé, évitez de grignoter. Pardon, poussez-vous. Ouais, mais il y a du monde ici, c'est quoi cette soirée? C'est la soirée Freebox Révolution, toutes les chaînes sont présentes. Oh la vache, on est combien? Plus de 500. 500 chaînes? Ouais, et en plus, il y a des services replay là-bas, et toutes les chaînes HD au fond. Hé, hey, sexy les chaînes HD. Ah, je te le dis, les grandes soirées télé, c'est avec la Freebox Révolution. Merci. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité. Plus d'infos sur free.fr ou au 1044. Avec hashtag Tal Chekoé sur Énergie, elle sera notre invitée tout à l'heure. Tal, vous découvrirez le nouveau titre qui s'appelle Le Temps qu'il faut et c'est la première fois qu'elle le fera en live. Ouais. C'est cadeau pour vous. C'est là que ça se passe sur Énergie tous les soirs. Moi je m'appelle Koé. Il y a l'équipe qui est là. Tiens, je poserai la question à Tal. On a le sondage qui est sorti pour quel endroit les gens fantasment le plus pour faire l'amour au bureau. Ah. Il y a des pièces. Les gens ils ont dit ouais, je préfère aller là. Je lui poserai la question tout à l'heure. Et puis sinon, il est tard, je peux en parler ou pas? Ouais. Si, je peux. Vas-y, ça dépend. Un homme. Les enfants, bouchez les oreilles de la petite jeune fille, là. Bouchez ses oreilles, là, je veux que ce soit étanche. Bouchez jeune fille, les oreilles de la jeune fille à côté aussi, c'est étanche. M'entends plus, m'entends, tu m'entends? Si, t'as dit non, tu m'entends? Là, tu m'entends? Non, bouche tes oreilles! Complètement! Oh, c'est le manque d'autorité. Sinon, on te fait sortir du studio. Que hein. J'ai sur les enfants. C'est une info scientifique qui vient d'arriver. D'accord. On apprend qu'un homme. Ouais. Bon, je vais essayer de le dire en espagnol pour pas qu'elle soit choquée. Oui. Et racoule. Oui, d'accord. Ok. Ça va là, ça, oui, ça va bien, ça va. Un homme, il racoule. Environ 7200 fois dans sa vie. Waouh, c'est énorme, non? Au départ, ça je trouvais beaucoup. Ça pas beaucoup. Dont 2000 fois en masturbation. Ah ouais? 2000 fois sur 7200, juste en masturbation. Ah ouais, c'est beau. C'est énorme. Donc, on fait un petit calcul rapide. C'est la de la rentrée. C'est intéressant. Si on se dit qu'on utilise 2 feuilles de sopalin à chaque fois, ouais. Qu'un rouleau contient 42 feuilles, ouais. On utilise donc 95 rouleaux de sopalin dans notre vie rien que pour se pignoler. Oh, wow. En gros, je fais une déduction rapide. Vas-y. Supprimez YouPorn. Et vous sauverez l'Amazonie. Ah oui, c'est vrai. Koé, président ! Koé, président ! Voilà un programme. Ah, tu ne l'as pas Macron, celle-là. Hein. Bon, on fait un bisou à Mélanie qui habite Grenoble. De quoi on parlera dans un instant, Mélanie ? Bonjour. De quoi on parlera dans un instant, Mélanie ? J'ai un coup de gueule à passer par rapport au téléphone portable. Pourquoi ? Parce que tes copains se foutent de ta gueule. Pourquoi ? Exactement. Pourquoi ? Parce que j'ai un iPhone 4. Et bah, il y a des raisons. On en parle dans un instant. Il y a des raisons. Quand tu sors l'iPhone 4, maintenant, t'as l'air d'un con. Hein. J'avoue, il est épais. Ah ouais, mais vous connaissez le prix des autres. Je suis d'accord, Pietre, mais on en parlera dans un instant. Ouais. Ne bougez coup de pas. Gueule à passer là-dessus. Ah, très bien. Garde ton coup de gueule. Après, Cib, elles sont bonnes, tes petites madeleines ? Très bonnes. Pietre, il nous a fait. Ah, il mange tranquillou. Il mange chez Madeleine. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Da, da, da. Your kisses are the only doubt. I listen up for your lies. Don't try your heart, baby. Tell me all the dreams you found. Sing me all the songs you love. Can I sing them with you now? You're killing me over love. The kisses are the only doubt. I listen out from your lies. Septième ciel, mais le plus important, c'est la septième saison de Koé sur Énergie. Koé, 19h-22h sur Énergie. On est là. Tal sera notre invité tout à l'heure. D'ici quelques minutes, on aura le super jeu. Qu'est-ce qu'on aura encore qu'on fera? On fera le, j'ai le service à te demander. Oui, j'ai un service à te demander. Rubrique, ouais, voilà, grave. C'est un nouveau truc pour tester si vraiment vos potes sont vos potes. Si on peut compter si sur vous... eux, en oui, fait. Oui, parce que vous, par exemple, les filles, vous êtes du genre à dire ma copine, c'est ma meilleure copine. Ouais. Eh bien, c'est le moment de voir si votre meilleure copine, si vous lui posez, nous demandez un service, elle vous suivra dans le service ouais. ou pas. Il faudrait qu'on essaie, nous. Entre non, j'ai peur de perdre des amis. Entre nous, bah, avec nos potes, voir s'ils ouais. sont prêts à tout pour nous. Ouais, on verra ça tout à l'heure. On fait un bisou à Mélanie, encore de Grenoble. Toujours à Grenoble ? Oui, toujours. Allez, Mélanie, raconte-moi. Et ben, en fait, j'ai un coup de gueule à passer parce que j'ai un iPhone 4 et tous mes amis ont le dernier iPhone 6, tout ça. Donc, du coup, je passe pour une grosse fringarde. Attends. Ma gueule. Excuse-moi, ma chérie. Tous tes amis ont le dernier iPhone 6. Ils sont dans quel ils sont blindés. C'est crédit illimité, tous tes amis, parce que moi non mais c'est des gros bourgeois de Grenoble et ouais ils ont tous l'iPhone 6. Parce enfin, que du coup, je passe pour une ringarde. Quel âge tu as? Quel âge tu as? J'ai 20 ans. Ah 20 ans peut-être ouais parce que moi j'en connais beaucoup. Franchement, moi, il y a une marque de téléphone que je vois beaucoup quand je fais les séances photos à la fin du One Man. C'est quoi? Qu'on voit quasiment. Je vous assure que c'est pas une blague hein, ce que je vais vous dire. Qu'on voit quasiment jamais à Paris, mais beaucoup dans les villes de province. C'est Wiko. Wiko, ouais. Mais c'est vrai. Français hein. d'ailleurs. Parce que Wiko, c'est pas cher ouais. du tout. Et ils font des téléphones de la taille de l'iPhone avec des trucs. Bon, t'as moins. Pas iPhone, quoi. Mais ouais, ça ressemble. Mais beaucoup. T'as quand même toute la base et tu fais des photos. Et c'est surtout pas cher du tout. Donc tous les gens qui n'ont pas les moyens de s'offrir un iPhone, ils s'achètent Wiko. Un Wiko. Il y a les Huawei aussi. Oui, ils sont super plus bien. Et, sont plus chers, et je vous assure que dans plein de villes de France, je vois plein de Wiko. Alors que quand tu es à Paris, t'as l'impression que tout le monde a un iPhone. IPhone ouais. L'impression que c'est très parisien nous, d'avoir un iPhone. On vit un peu iPhone, un peu quoi. Ouais, mais bon, et ça coûte un bras ouais, l'iPhone 6, cher, putain. Ouais. Non, et moi, ce que je voulais dire, c'est ce que je trouve bâtard avec les iPhones, c'est qu'aujourd'hui, t'as plein de gamins justement qui veulent un iPhone et quand t'as les parents qui leur achètent un iPhone 4 ou un 4S, faut savoir aujourd'hui avec un 4 ou un 4S, t'as ni Snap ni Instagram. Mais non. Ouais, tu peux non, parce que c'est iOS 8. Attention, il y a quelqu'un qui veut parler dans le public, qui a levé la main, amené le micro à ce jeune homme. Excusez-moi, j'ai un iPhone 4S et Snap et Facebook et tout, ça marche très bien. Pas dans ta gueule, Pierre. Mais le 4S, mais pas le 4. Non, pas le 4, déjà. Quel est le prénom de ce jeune homme qui t'a mis une branlée verbale? Adam. Adam. Mais c'est 4S, et ton Snap avec les nouvelles applis, avec les nouvelles applis, avec les nouveaux filtres Twitch. Montre-lui, fais-lui une démo. Fais-moi une démo avec les oreilles et les machins. Parce que moi, quand j'avais mon 4, je pouvais pas mettre les filtres. Oui, mais c'est 4 et 4S, c'est pas la même chose. Non, mais j'avais un 4S. Avant. Attention, Adam arrive avec son 4S. Ah, Piet, si jamais il a raison, il te met une branlée. Vas-y, fais-lui un Snap, fais-lui un filtre. Je tape. Voilà, choisis. Ouais, tac, déjà, ça bug. À moins que tu l'aies craqué. Regarde, je trouve que tu l'as craqué. Il bug de ouf. Non, c'est vrai qu'il y a un moment, par contre, vous avez remarqué que chez Apple, quand t'as un vieux, un 4, ouais. plus ils sortent les nouveaux, plus les anciens marchent moins bien. En fait, plus tu fais les mises à jour et moins ça marche. Mais parce que les mises à jour, elles sont passées maintenant. Les mises à jour, elles vont plus pour le téléphone. C'est ça le problème, c'est que maintenant ils t'obligent à faire des mises à jour. Attends, là c'est le temps pour arriver sur Snap. Là, il déverrouille. Je veux l'arc-en-ciel, je veux cracher de l'arc-en-ciel avec la bouche et tout. Ça existe encore ça? Ouais, enfin, on va un truc animé quoi. Là, depuis tout à l'heure, t'essayes de l'allumer là? Ouais, regarde. Ah ouais? Bah quand tu fais l'arrivée du Tour de France, ah ouais, t'as l'air de prendre la veille. Je dis pas ça, moi, je m'en fous. Le mec, il allume son téléphone, il fait au gars, il fait attendez, attendez, passez-moi tout de suite! Bon, bah, ça y est, j'y suis, qu'est-ce qu'on dit? Je dis pas ça, je m'en fous. Qu'est-ce qu'on dit alors? Un téléphone, c'est pas fait pour Snap et tout, hein. C'est juste pour téléphoner. Ah non! Aujourd'hui, t'as pas Snap, aujourd'hui. Alors, jeune homme, si un téléphone, c'est fait juste pour téléphoner, dans ce cas-là, tu t'achètes un vieux crin-crin tout pourri que tu jettes dans le. Si t'as un iPhone, c'est pour faire des trucs en plus. Essaye de nous le rallumer quand même. Parce que là, j'ai l'impression que tu peux même plus téléphoner non plus. J'ai l'impression que ton truc, il est. Et en fait, ils veulent iOS 8 dessus minimum. Pour un Snap et Insta, de toute façon. Et si tu installes iOS 8 sur un 4 ou un 4S, ton téléphone, tu peux plus rien mettre. On le sait que quand t'as un vieux, de toute façon, les mises à jour, il est supporte plus. Ouais, mais c'est bâtard, quoi. Oui, mais ça a toujours été comme ça. Et une fois de plus, c'est que Apple qui fait ça. Et Pietre, t'achètes un Mac d'occasion que t'achètes sur le bon coin. Si t'en achètes un trop vieux, tu peux plus rien faire. Ah si, ça marche, c'est connecté direct, là. Ouais, mais c'est dégueulasse, parce que c'est la seule marque à faire ça. Tu prends un Huawei, un Wiko, ce que tu veux, sur un téléphone, ça marche. Mais à l'époque, il n'y avait pas de Huawei 4. Ça vient de sortir. Bon, Mélanie. Si, ça marche très bien. Ah, t'as gueule, t'as réussi. Regarde. Bah oui, au bout de 4 heures. Ça... Ah non, ça charge encore. Voilà. Bon, Mélanie, on a tenté une démo avec Adam qui nous a dit hey, ça marche très bien. Alors ouais, qu'en fait, je comprends en fait. En fait, ça marche pas. Pour l'instant, ça marche pas du tout. Il a toujours pas allumé son téléphone. Hein. Donc, bon. Et quand est-ce que tu changes là pour un iPhone 5 au moins un petit peu? Elle lui a pété sa coche. Ouais. Et justement, ils disent que la prochaine évolution de Snap et Instagram sur les 5, tu l'auras dans le cul, ça marchera plus non plus. La prochaine, on dit la prochaine, ça va faire bugger les trois quarts des 5. C'est normal parce que les mecs, qu'on savent qu'avec le temps, les gens ils gardent pas leurs 4, leurs 5. Ouais, mais un iPhone 5, ça marche super bien à la base. Et là, ton iPhone 5 sera beau, t'auras ni Snap ni Instagram. Ouais, mais c'est un truc, c'est la consommation. Les gens qui sont fans, ils achètent le nouveau. À chaque fois, ça étude Apple, c'est gros escrocs. Toi, avec ton Samsung, là, t'es content. C'est pas des clients, mais je vous le dis, c'est vraiment de l'arnaque. iTunes, c'est une escroquerie. iPhone, c'est des escrocs. C'est pour ça que moi j'ai changé. Tu dis tout le temps que c'est de la merde. Mais c'est toi qui dis c'est une escroquerie quand tu vas te connecter. Eux, c'est les pires parce qu'ils savent qu'ils ont une espèce de monopole. Mais maintenant, et du coup, quand tu vas te connecter n'importe où, même pour acheter des draps ou une place de cinéma, on te demande de te connecter avec ton compte Facebook. Mais oui, on te demande, tout est raccordé maintenant. Donc, oui, ça, je suis d'accord. Ou tu refuses le système, tu vis dans une hutte, tu ressors un Minitel et tu essaies de te connecter. Mais c'est leur système à eux qui est pourri. Tous les autres, à part Apple, ils ont tous le même système d'exploitation, machin, et ça marche très bien. Eux, c'est voilà, t'es chez eux et une fois que t'es chez iPhone, tu peux plus ressortir, t'es niqué. Tu peux pas partager tes musiques. Moi, c'est ce téléphone. Moi, je partage pas mes musiques, elles sont à moi. Mais le jour où tu veux changer de marque, toutes tes musiques, tout ce que tu as sur iTunes, tu te le fous dans le cul. Pauvre bonhomme. Ouais. Bah tout, oui, tout. J'en ai beaucoup quand même. Ouais, c'est pour ça, puis j'ai des versions. Bon, on te fait un gros bisou, Mélanie, je t'embrasse. Oui, mais tu sais quoi, bon, peut-être qu'il faudra que tu changes de téléphone un jour quand même. Oui, faudrait que j'essaye, ouais. D'accord, je te fais un bisou. Vous êtes les meilleurs, gros bisous. C'est vrai. À bientôt, ma belle. Ciao, Mélanie. Je t'embrasse fort. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant où il n'y a pas d'intro? Charlie Puth. Ah, j'adore Charlie Puth. Bienvenue sur Énergie. Tout à l'heure, Tal sera avec nous. Koé, 19h, 22h sur Énergie. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Gone. Every now and then I think you might want Avec une meuf, hein. Ah ouais, là cette fois-ci il aurait menacé. Alors il y a eu des coups et hein, blessures, je crois, à l'époque. Ouais, ouais. Et là il aurait accusé d'avoir menacé une femme avec une arme à feu. Ah, il y avait tous les flics devant chez lui et tout. Ouais, il a été arrêté par la police de Los Angeles mardi soir. Ouais, mais ça ils aiment bien aux États-Unis. Dès que t'es un peu connu, ils viennent t'arrêter avec 95 bagnoles, les hélicoptères, la télé. Et après une perquisition et l'interrogation de nombreux témoins, il a été inculpé de soupçon d'agression avec une arme. Putain, il cumule lui. Hein. Oh, soupçon, ça va pas peser bien loin. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Qu'est-ce qu'il y a encore? Un sourire. Elle a fait un H-prout. Ah, t'as pété? Si, j'ai vu. T'as pété? Ah, si, si. J'allais faire une vanne qui passe là du tout. Elle s'est fait une vanne dans sa tête et elle rigole. Merci, tout Julie. C'est ça. Non, mais c'est fou avec une arme à feu, pépé. Ah, ouais, ouais. Bah, à l'occasion, elle était très moche. Moi, j'essaie de le défendre. Ouais. Elle avait une tête de Pokémon. Ah. Et il a voulu l'attraper. Elle a mal pris, les mecs à dire. Ah, ouais, c'est ça. Bah, je suis sûr que c'est ça. Bon, voici, j'ai un service à te demander. Ça va, Maxime? Salut l'équipe, ça va? Salut Maxime, ouais, numéro de voix. Donc tu vois, tes testicules qui sont descendus, c'est une bonne nouvelle. Maxime, tu habites Besançon, la vie est belle. C'est ça. Ok Maxime, qu'est-ce que tu fais dans la vie Maxime avec cette grosse voix? Je suis ambulancier. Mais c'est génial ça, c'est génial. C'est sexy, moi j'aime bien les grosses voix. Je fais peur aux mamies. Ouais, c'est ça. Allez mamie, on monte dans l'ambulance maintenant, je vous emmène. Bon Maxime, ton meilleur ami s'appelle comment? Alexandre, voici le GIA service à te demander pour tester si vos potes sont vraiment des vrais amis ou de mauvais amis. Alors, est-ce qu'il gagne un truc si jamais l'autre le suit ou pas? Ah bah oui, bien sûr. Règle du jeu, c'est quoi, Julie? On veut savoir. Bah, c'est il gagne un cadeau s'il arrive à s'énerver. Enfin, s'il arrive... Si l'autre accepte de l'aider, tout simplement. C'est plus où elle est. S'il s'énerve et qu'il dit les 5 phrases et qu'il y a une vachette qui rentre, il fait 4 fois le tour du studio et à un moment, s'il arrive à manger l'œil sans vomir, la question du père Fouras, il gagne. Je suis encore sur ma vanne en fait. Mais voilà, mais en fait, si son ami accepte de l'aider, eh ben, il a gagné. Mais s'il accepte pas, il. Ben, voilà. Tu vas lui demander quoi? Il perd son ami et en même temps. En fait, tu es. Je vais lui faire croire que j'ai rencontré une fille en boîte samedi dernier et que on a fini chez moi, sauf qu'elle avait un copain et cette conne lui a dit. Et du coup il m'a retrouvé et il vient chez moi pour me défoncer. Ah ouais, d'accord. Donc il a besoin d'aide. Donc j'ai besoin d'aide, vu qu'Alex c'est un mec qui est assez costaud, c'est le plus costaud des potes. Pour aider à te défendre. Alors attention, le mec en question, l'autre là, il faut que tu lui dises que c'est un champion de boxe thaï, hein. faut mettre un peu de pression. Ouais, c'est un fou. Allez, ok, mec. Allez, on est parti, on est chaud, patate. On y va. Allez, go. T'appelles ton pote. Allez, maintenant. C'est maintenant ? Maintenant. J'ai envie de dire maintenant. Oui, c'est maintenant. Ou alors que c'était le videur de la boîte ou un truc comme ça. Il faut le faire flipper un peu, quoi. Ouais, ça marche. On va voir s'il est prêt à se battre pour toi. Vous le feriez, vous ? Non. Vous laisseriez votre pote en galère ? Vous êtes salaud. Tu le ferais, toi ? Non. Allô ? Alex ? Ouais. Ouais, c'est Max. Ah, Max. Ça dérange ? Non, bon, je suis en train de tondre, là. Ok. Bon, écoute, Alex, j'ai un truc à te demander. Tu sais, samedi dernier, j'étais en boîte avec, avec Jérôme et tout, là. Et en fait, j'ai rencontré une nana et on a fini chez moi. Bon, je l'ai niqué, machin, je te raconte. Enfin, bref, c'est pas le seul problème. Enfin, un petit peu. Et en fait, elle avait un copain. Moi, je savais pas, mais pas dit. Et du coup, elle lui a dit qu'elle avait rencontré un mec, nana. L'autre, je crois bien que c'est un videur de la boîte. Et là, il vient chez moi. La meuf, elle m'envoyait un message, elle me dit, écoute, je sais pas quoi, mais le gars, mon mec vient chez toi. Donc, en fait, là, je t'appelle, c'est pour que tu viennes chez moi tout de suite. Et je pense qu'à deux, on va pouvoir le maîtriser, mais tout seul, je crois que je vais pas y arriver. Donc, en fait, je te demande de venir. Là, tout de suite, là. Ouais, maintenant, ouais. Bah, en fait, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, tu vois, mais il peut s'ouvrir d'une minute à l'autre, là. Tu connais la vue, là ? Bah, là, j'ai vu que c'est pour venir m'aider. Tu diras que t'es venu m'aider et puis voilà. Et il est costaud le mec. Ben ouais, je pense que moi je pense qu'il va me défoncer. T'as vu comme je suis foutu. Je pense que moi j'ai aucune chance. Par contre toi, tu fais de la muscu tous les jours, donc tu vois, t'es impressionnant, tu vois. Je pense que quand il va te voir avec moi, peut-être qu'il se détendra un petit peu. Enfin j'espère. Mais là franchement, je suis vraiment dans la merde. J'ai vraiment besoin de toi et ça serait vraiment cool si tu venais m'aider tout de suite. Non mais attends, le mec il fait de la boxe taille. Tu te crois pas, ses bras, c'est des bouteilles de gaz, mon gars, tu sais pas, toi. Mais il va pas te niquer, tu lui expliques. Mais le mec là, il a rien à expliquer, il va pas m'écouter. Hein. Il va pas m'écouter, il va arriver, il va me foutre un crâne direct. Hein. Je dis, mais c'est tendu, hein, mec, avec le vin là. Hein. J'ai baisé sa meuf, mon gars. Tu te crois pas compte, j'ai baisé sa meuf, c'est un avion, par contre, je me fais plaisir, mais bon. Quand même. Et là, je peux pas te casser de chez toi tout de suite, là. Mais pourquoi tu veux que je me casse de chez moi? Non, mais viens, Alex. Je peux pas t'attaper. Et c'est bon, t'es au chômage, tu fais de la muscu tous les jours. Toi aussi, t'es costaud. Et si je t'appelle, c'est pas pour rien. Je t'appelle parce que t'es Ah bah je fais pas de la muscu pour niquer des mecs. Bon, t'es mon pote ou quoi? T'es mon pote ou pas? Ah mais t'as fait n'importe quoi. T'es mon pote. Bah, t'es mon pote. Et les potes, ça aide les potes. Moi franchement, je viens. C'est à moi de réparer tes conneries. T'abuses là. C'est pas mes conneries. C'est quoi ça? C'est chez toi là? Attends, je vais ouvrir. Mais je crois que je suis dans la merde, là. Non, Alex, viens, s'il te plaît, là, je vais ouvrir la porte, mais... J'ouvre pas, mais c'est comme si c'était pas. Ouais, t'as raison, j'ouvre pas. J'ouvre pas. Attends, j'ouvre pas le... Attends. C'est lui ou pas? Mais oui, mon gars, c'est lui, là. T'es dans la merde. S'il te plaît, viens, t'as 5 minutes de chez moi. Viens, arrive, mon gars, je suis en panique. Il va me défoncer, Alex, il va casser la porte. Arrête de parler, déjà. Arrête de parler. Viens, s'il te plaît. Ça, elle va me niquer si j'ai... Va te faire enculer. Non, mais c'est quoi, t'es pas mon pote, vas-y. Tu veux me faire défoncer, t'es me chercher à l'hôpital, vas-y. Allez, salut. Mais fallait pas faire des conneries, gros. Mais non, mais des conneries de quoi? J'ai pas fait de conneries, t'arrives à tout le monde. Alors, elle me blinde de ouf, qu'est-ce que tu fais? Oh putain. Ouvre la porte direct. Ah oui, mais t'as pas parlé, mais pourquoi t'as pas parlé? Ouvre la porte direct. Pas derrière la porte, toi, tu viens derrière lui. Tu prends une barre à traction, puis tu lui en fous un coup derrière, t'es comme ça. Quand genre, là, non, mais je vais pas finir en tôle parce que t'as niqué. Tu vas pas finir en jonjon. Tu rigoles ou quoi? Il va me défoncer, mon gars, mais tu connais pas. Non. Le mec, il fait 3 mètres de haut. Je vais te défoncer. Appelle les flics. Mais non, j'appelle pas les flics. Mais tu sais très bien pourquoi. J'appelle pas les flics. Je vais te défoncer, mec. Tu me fais chier, mais non, mais je peux pas. Mais pourquoi tu peux pas? Le mec, il peut pas. Oh, c'est moche! Ton pote, il est en galère et tu rappliques même pas! Alex! Ah, oh, c'est ouf! Je m'appelle Koé, on était sur Énergie, on n'était pas en train de sonner à la porte, mais heureusement, parce que je pense que ton pote ne peut pas du tout compter sur toi. Koé@energie.com, vous laissez un mail, vous laissez votre numéro de téléphone, et si jamais vous avez un bon pote qui dit ouais, d'accord, pas de problème, vous gagnerez un cadeau, sinon c'est rien du tout, voici Souf! Elle me dit qu'elle est fatiguée, elle me dit qu'elle veut tout lâcher, même pas eu le temps de lui expliquer, c'est plus la peine de continuer, mais c'est le temps qui court.

music only. Ça va, est-ce que vous savez que nous les hommes on est menacés de... Oh, ça va être dangereux, on va bientôt ne plus pouvoir faire de bébé. De disparition. On va plus pouvoir faire de bébé. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on sera plus fertile. Pourquoi? À cause parce qu'on n'aura plus beaucoup de spermatozoïdes. Pourquoi? Ah. À cause du... Des téléphones j'allais dire. Pas du tout. De la pesticide. Pas du tout. Je ne l'avais pas vu venir celui-là. Hein. Parce que chaque année, vous avez remarqué que tous les mois, ils nous sortent des trucs cancérigènes, dangereux pour la santé. On avait eu le poulet, on le a eu lait, on a la viande, les yaourts, ouais, le lactose. Les légumes avec les pesticides. Le gluten, les pesticides. Et bien celui-là, on ne l'avait pas eu. C'est quoi? Le bacon. Le bacon? Oh non, pas le bacon, non. Le bacon, mon gars. Le bacon, les petits œufs au bacon du dimanche matin. C'est bon, les œufs brillés avec du bacon. Eh bien, écoutez-moi bien. Le bacon et toutes les viandes transformées. Alors, toutes les viandes transformées, je pense que ça peut être... Mais saucisses. Le jambon et tout. Ouais, les saucisses. Saucisse, c'est pas transformé, c'est transformé. C'est transformé, c'est-à-dire que c'est pas de la viande crue. Ils ont fait quelque chose avec tu me prends pour un con, donc. Tu me dis que le saucisson, c'est pas de la viande crue. Je sais bien que ça vient pas d'un animal qui s'appelle le saucisson. C'est bien que le saucisson, c'est pas un truc direct. Il faut bien l'avoir transformé un petit peu. C'est pas du teckel, le saucisson. Qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de chasser le saucisson, qui est un animal sauvage. Et finalement, et attention, il y a un autre animal sauvage, le Bouddha noir, qui arrive derrière. Ben oui, je sais bien. Et ben le bacon, on l'avait pas vu venir celui-là. C'est nuisible pour la qualité du sperme. Plus tu manges de saucisson et de bacon, plus ton sperme est pauvre. Ah bon? Donc les mecs, vous avez compris, si vous voulez plus avoir d'enfants, bacon. Nouvel assistant, va me Tilbolt, va me chercher du bacon. Si j'en veux bien aussi, je vais en prendre un aussi. Ouais, du bacon pour toute l'équipe finalement. Vous êtes bien, les gars. Comment elle s'appelle la demoiselle qui est en ligne? Jessica. Jessica. Coucou Coé. Bonjour ma Jessica, t'es en forme? Ah bah nickel, content de retrouver. Nous aussi, ça nous fait plaisir. Bon, ton mec s'appelle Geoffrey. Oui. Ouais, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans et demi. Il paraît qu'il est super jaloux. C'est ça. Très impulsif et il contrôle toute ta vie. C'est ça. Moi, alors, moi j'ai rencontré une fille il n'y a pas longtemps, ouais, qui me racontait que son ex, c'était exactement ça. Ah bon? Genre, il avait tellement... Il faudrait qu'on fasse un dossier sur la jalousie. Ah, mais son mec, tu sais quoi? Elle n'a jamais mangé en un an et demi, elle n'a jamais mangé seule, une seule fois au boulot. Sérieux? Le mec, tous les jours, à midi et quart, il était là. Il vient déjeuner avec elle. Ouais. Pour être sûr qu'elle ne mange pas avec quelqu'un d'autre. Mais non. J'ai halluciné. Oh là là, c'est horrible ça. Et elle n'avait pas le choix. Elle disait, bah ouais, d'accord. Et une fois, elle lui a dit, je peux manger. Non, non, je serai là, ça me fait plaisir. Mais s'il n'a pas confiance en elle. Oh là là, c'est horrible. Bon, après, vous savez ce que ça a donné. Le résultat, ils sont séparés. Ah bah oui, forcément. Ça ne peut pas tenir. Mais vous allez vous marier. C'est ça. Ah, c'est malgré tout ça, il a quand même des qualités. Ah oui, il a quand même des qualités. Bah oui, c'est bien nouvelle. Sûr. Bon, et toi, il paraît que cet été, t'es partie toute seule avec tes copines. Voilà. Contre l'avis de ton mec. Bah oui, du coup. Et alors, t'as réussi quand même? Ah oui, oui, je lui ai pas laissé le choix. Je lui ai dit, voilà, on se marie. Moi, c'est la dernière année où je peux partir avec mes copines toute seule. Voilà, je lui ai pas laissé le choix. Alors que lui, dès qu'il peut, il est au foot. Voilà. Ah, c'est normal, beaucoup. Semaine, foot, combien de fois par semaine? Combien? 3 fois par semaine. Ah, ah ouais, c'est abusé. Excusez-moi les filles, c'est invivable. Vous pouvez pas supporter que votre mec se barre 3 fois par semaine au foot. Ouais. Au moins tu sais où il est. Ah mais c'est horrible, attends, ça va. Ouais, je sais pas. Mais tu te mets pas si en couple pour que ton mec se barre avec ses potes courir après ballon 3 fois par semaine. Quand tu as fait les muscles. Mais musclé du bas et pas du cerveau. T'as des soirées tranquilles comme ça, c'est bien. Regarde, tu fais du sport maintenant. Mais je fais le matin, je fais chez personne. Oui, mais moi, combien je de le temps matin. Par semaine? Une heure tous les matins. À tous les matins, t'imagines? Donc si t'as une nana avec qui t'es tous les jours, ça veut dire tous les matins tu barres au petit déj pour faire ton heure de sport. Les gens sont censés travailler à 8h30 du mat. Ah ouais, bah mais non. Si elle est là jusqu'à 9h. Mais lui, sauf que son mec, ça doit être les soirs et il doit être en foot jusqu'à 20h, 21h. Ah oui, si c'est tous les soirs. Jusqu'à quelle heure il est au foot? 21h30. Eh bien, bim. Quel jour? Ça tue ta soirée. Quel jour? Le mardi, jeudi, et je crois que c'est le samedi. Bah oui, comme ça, dès que ça change, pendant la nouvelle saison, ça change. Bah oui, histoire de bien te niquer tout le week-end. Et ouais, c'est génial. Tes pieds sous la table, c'est ça? C'est génial. Et tu vas te marier avec un mec qui est... Bon, je sais pas comment vous faites. Bah, je l'ai connu comme ça, donc... Oh, bah oui, changer. Mais ça va te saouler. Tu divorceras pour les mêmes raisons. On en reparlera dans quelques années. Enfin, arrête. Mais vous verrez. Résultat, tu vas le faire chier. Et tu vas lui faire croire, évidemment, que tu l'as trompé. T'es prête? Voici les 5 phrases à dire à ton mec. Oui. Comme on va se marier, faut tous dire, je t'ai trompé en vacances. On était bourrés, toutes mes copines voulaient coucher avec, mais c'est moi qui l'ai eu. On va quand même se marier, j'ai pas acheté la robe pour rien. Oh là là, c'est dur. Quatrième phrase, ce qui se passe avant le mariage, on s'en fout. Et la dernière, c'est bon, c'était la première fois, mais j'avoue, j'ai kiffé comme jamais. Qui fait comme jamais. Ne bouge pas Jessica, dans un instant ce sera le super jeu ma chérie, d'accord? D'accord. On revient dans 2 minutes. Je ne veux pas vous spoiler, mais la 7e saison de Koé sur Énergie, je la connais déjà, moi. Julie va crier. Koé sera de mauvaise foi. Julie va crier. Pietre et Guéguette feront les gamins. Julie va crier. Loris va finir chez les flics et... Julie va crier. Koé, 19h-22h sur Énergie. Et Julie va crier. J'espère que tout va bien. Ouais, tu as vraiment ce cri-là. C'est le retour du super jeu. Vous me casez les 5 phrases et tout va bien. Jessica, t'es prête à Lille? Oui, prête. T'as vu cette chaleur, hein? T'as vu comme il fait chaud? C'est la retour de bol. T'as vu? Et je te parle. T'as vu comme il fait chaud? Oui, c'est chaud. Merci. Viens, voici donc. Dis-le, tu t'en fous que je parle météo en gagnant du temps. Voici les 5 phrases à dire à ton chéri qui s'appelle Geoffrey. Première phrase, comme on va se marier, il faut tous dire, tu t'es trompé en vacances. On était bourrés, toutes mes copines voulaient coucher avec, mais c'est moi qui l'ai eu. On va quand même se marier, j'ai pas acheté la robe pour rien. Tout ce qui se passe avant le mariage, on s'en fout. Et la dernière, c'est bon, c'était la première fois, mais j'avoue, j'ai kiffé comme jamais. Kiffé comme jamais. Jamais. Et à la fin, ok, c'est, mais c'est pas crédible que je sois le mec. Bah, le mec, il peut pas être à côté. Oh, quoique. Oh, quoique. C'était, si, où, c'était où tes vacances? En Charente-Maritime. Ah, si. Si. À quel endroit? À Royan? À Rochelle. À La Rochelle? Ah, si, je pourrais être. Ah, si. Ah, oh, si, si, si, ouais, fais au loin, possible. De loin, de loin. Avec Tony. Je suis Tony. Tony, Tony de La Rochelle. Tony de La Rochelle. Tony de La Rochelle. Je trouve que ça va bien, Tony de La Rochelle. D'accord? Vas-y. Allez, on y va, c'est parti. Go. Péter un câble s'il est jaloux, le gars. Ah, si, jaloux, oui. Non. Dès la première phrase, il peut s'énerver. Ça me va bien. C'est qui? C'est Tony. Allô? Oui, chérie, c'est Jess. Ça va? Ça va? Ouais. Ouais. Dis-moi, je t'appelle parce que, voilà, là, j'étais avec Julie, donc on a longuement parlé. Et bah, faut que je te dise quelque chose et je voulais pas tout le dire en face, en fait, en rentrant ce soir. Et bah, voilà, bah, comme on va se marier, faut tout le dire, bah, je t'ai trompé en vacances. C'est trop molle. Bah non. Non, mais en fait, bah, on était bourrés en fait. Et... Parce que bah, je t'entends super mal là, donc. Tu m'annonces ça comme ça au téléphone. Bah oui, parce que je sais que j'ai commenté que t'es impulsif et que bah je voulais pas spécialement te le dire devant toi en fait. Ouais, tout le monde. Déjà que je voulais pas que tu partes avec tes copines comme ça. En vacances et toi tu me fais ça derrière. Bah enfin c'est pas ma faute, on était bourrés et toutes mes copines voulaient coucher avec, mais c'est moi qui l'ai eu. T'es pas sérieuse là? Si. Putain, mais... je sais que j'aurais pas dû, mais c'est la vie. Tu fais ça comme ça. Ouais. Tu vas se marier quelques mois avant le mariage, voilà, ça te prend comme toi de me tromper, voilà, c'est la fête quoi. Je sais pas quoi te dire. C'est pas quoi me dire. Après, l'alcool, la colle à la bondo, c'est tout. T'avais pas qu'à boire, c'est comme ça. Ouais, tu sais ce qui se passe avant le mariage, on s'en fout. Hein. On s'en fout. Ah donc, ouais, bah, on s'en fout, non. Bah, se voir à droite, à gauche, et on s'en fout. Ouais, bah... Bah ouais, on s'en fout, de toute façon, on va quand même se marier. Dans quelques temps, tout le monde est prévenu, et toi, tu fais ça comme ça. Mais, de toute façon, on va quand même se marier, j'ai pas acheté ma robe pour rien. Moi, je m'en bats les couilles de ta robe. Ta robe, ça change quoi? Ta robe, tu la ronges, je m'en fous, t'en fais ce que tu veux, tu te torches avec, t'en as rien à foutre. Bah attends, alors tu me trompes et je dois dire amen et tout, je dois dire amen, ouais bah... C'est fait, mais tu sais que c'est toi que j'aime. Ouais, c'est fait, c'est fait, bah ouais. Je t'aime quand même. Ouais, bah, il est beau l'amour. C'est rien, c'était la première fois, appelle-moi con, appelle-moi pigeon tant que tu y es. Ah non, mais c'était la première fois, même si je t'avoue, j'ai kiffé comme jamais, mais voilà, c'est fait. Bah, retourne le voir, ce bâtard. Retourne le voir. Non, c'est toi que j'aime, c'est pas que je veux me marier. Bah non, tu sais tout. Retourne le voir. Ce qui était avant le mariage, c'est rien, c'est pas grave. Bah retourne le voir. Mais bébé, retourne excuse-moi, le voir. Attends, t'es au téléphone, excuse-moi, je te laisse. C'est qui lui? Je te laisse. Et c'est vrai, c'est un ami. Tony. Un ami? Ouais, c'est ça. C'est qui? Tony. Il s'appelle Tony, c'est un ami. La Rochelle. Tony. Bah je connais personne qui s'appelle comme ça au niveau de chez Julie. Ah, c'est Tony de La Rochelle. Bah, tu connais pas tous mes amis non plus. Après, c'est avec lui qu'on est parti en vacances. Ah, il fallait pas lui dire. Ah, ouais. Là. Donc, c'est lui. Ah, il va être chafouin. Allô? Oui. C'est lui? Oui, c'est lui. Et du coup, bah, c'est pour ça que je suis partie chez Julie, parce qu'en fait, il est venu me voir directement de Charente. Ouais, ouais, donc en maritime. Gros, ouais, tu m'as mitonné. Non, parce que je suis quand même, j'ai quand même vu Julie, mais. Tony, il est venu quand même de Charente, j'allais pas l'envoyer chez non plus. Salut, c'est Tony de La Rochelle. Ouais, ouais, c'est bien. Va parler à ta mère. D'accord. Là maintenant ou après? Allez, chérie, on se marie quand même, c'est rien, c'est non, ça non, que non, j'aime. Non, c'est bon. Mariez-vous, hein? Non, non, bah, t'as raison. Je remets encore un petit coup à Jessica et puis après vous pouvez vous marier, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, après, moi je suis pas jaloux. Après, quand t'es au foot, t'es tout le temps dehors, ouais, voilà, moi, c'est bien que je m'occupe aussi. Hein. Ballon. Et alors? Tout le temps au foot. Ça me permet de m'évader le foot un petit peu. Oh, Labrador. Ballon, ah. balle. T'as vu, espèce de connard. Franchement, t'es vraiment. Putain, t'as de la chance que je t'ai pas en face de moi. Et Geoffrey? T'éclaterais ta gueule. Geoffrey? Ouais. Va chercher la balle. T'emmerdes, dégage. Ballon. Ouais, bah n'empêche, t'es toujours au foot, bah elle était avec moi. Voilà. Bah voilà. C'est bien. Ah bah voilà, but. T'as carton trop, hein. J'ai envie de dire carton rouge. Tu sais quoi? Carton rouge, non. Si. Ouais, tu sais quoi? On est quoi? Parce qu'on est dans la confidence, bah moi aussi je l'ai trompé. Ah. Quoi? C'est dans ces moments-là que je vais vous laisser, donc. Bah ouais. Je repars à La Rochelle. Tu m'as dit toute ma gueule. Un TGV qui m'attend. Bah ouais, puisque toi tu m'as trompé, bah moi aussi je. Voilà. Ouais, mais sauf que moi, t'es vraiment un enculé de bâtard parce que moi, c'était une blague. Ouais, bah. Putain, t'es vraiment un enculé. T'es sérieux là ou c'est une blague? Bah ouais, bah non, le foot, c'est bien, mais je veux pas qu'au foot de temps en temps. Je voulais voir ce que ça faisait avant le mariage, mais quoi. T'es un enculé parce que moi, c'était une blague, tu vois. Putain, espèce de bâtard, quoi. Ouais, bah. Mais tu oses me faire un serment en plus, on va se marier, nanana, et toi, tu le fais vraiment en plus. Il a pas dit exactement. Putain. Nanana. Bah, le tringue, quoi. La boulette. C'était, ouais, ouais, c'est bien. C'était avec qui, monsieur? Bah, faut pas jouer à des jeux comme ça, alors. Et j'en fais quoi, moi, du coup, de la rade? Bah, tu te torches avec, je l'ai dit tout à l'heure. Ah, voilà. Mais non, mais vous êtes sérieux. Non, vous êtes combien, là? Mais jeune homme, vous l'avez trompé? Ah, oui. Oh. Mais dis-moi. Vous voulez voir ce que ça faisait avant le mariage, une fois, et puis bah. Avec l'arbitre. C'est vraiment un enculé. Attends, je rentre ce soir. Déjà, je récupère toutes mes affaires et je me casse. Oh non, mais on parle à cause de nous, enfin, non. On a commandé les petits choux. Oh non. Chérie, je suis avec Chloé, c'était une blague. Ah ouais, bah ouais. Moi, c'était pas vrai, quoi. Tu vas pas se torcher avec toute la robe, quand même, enfin. Non, bah non. Oh là là. C'était une blague, rassure-moi. C'était une blague. Dis oui. Non, t'as dit ça sous l'énervement. Oui. Si tu veux sauver le truc, t'as dit oui, ça sous l'énervement. Dis ça. Dis que t'as dit ça sous l'énervement. Non, bah autant être franc jusqu'au bout. Ah, ouais, donc d'accord. Toi, tu veux vraiment pas te marier, toi. Donc, t'as envie de libérer le week-end dans le planning, toi. Voilà. Bah, t'es vraiment. C'était prévu quand le mariage, là? La date? Au mois de mai. Oui, oh bon. Ah, il y a moyen de réavoir. Ouais, gardez la. Ouais, il peut y avoir réconciliation. Te torche pas tout de suite avec la robe. Je ne passe pas avec quelqu'un qui m'a trompé. Hein. C'est mort. Ah, là. T'es sérieux, putain, Geoffrey? Bah ouais, bah moi je te le dis. Hein. Je suis honnête. T'étais bourré, t'étais pas conscient, enfin. Oh, si, je crois que l'autre. À chaque fois qu'il est au foot, c'est qu'il serait souvent défoncé quand même. Ouais, j'avoue. Bien, bah, c'est dans ce moment gênant que je vais vous laisser, hein, puisque là ça ne nous regarde plus. Mais bon, elle a quand même gagné sa PS4. Oh, oui. Voilà. Ouais. Hey. C'était pour lui. Hein. Et puis on va te mettre FIFA, ouais, histoire de que tu te souviennes bien de ton mec quand tu joues. Je vous fais un bisou les deux, je vous embrasse. Oh là là, la boulette. Les dangers du super jeu, inscrivez-vous, coyatenergie.com, il y a des cadeaux de ouf à gagner. Ça arrive, des fois. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le soir le salut, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait passer boum dans la nuit car sors de la piste, fais le grand écart de Vanda. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez. Si tu me croises, si tu me parles, si tu me touches,

tal, t'as entendu ce public. Là, on a tapé dans le public de Booba, hein, ceux qui crient ça. Tal, tal, tal, ils sont tous chauds. Ils étaient contents de te voir depuis tout à l'heure. Ils sont là comme des fous. Ils disaient, disent comment elle va venir. Ils attendent que toi. Voilà, et voilà. Il y avait du monde dehors. Et du monde dehors. Ouais, ils sont là, ils t'ont fait des bisous et tout. Ouais, ils sont trop chauds. Ils sont je suis passé tout à l'heure, j'ai dit, j'ai pas le temps, je suis en retard pour faire une photo. Ils m'ont dit, on s'en branle, on veut voir ta vie. Sympa. Non, mais c'est vrai. Mais c'est bien pour moi. Tais-toi. Ça aurait été un compliment. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je dis, c'est bien pour voir le degré de popularité d'un artiste, savoir quand il y a du monde ou pas derrière. Absolument, vous avez bien raison. Ouais. Attention au public, on va voir si vous chantez bien. Bah ouais, il n'y en a pas tout le temps. Il y a pas trois tout quarts de personnes. Sans drapeau et sans héros, on est tous en âme d'un idéal. Ce soir, je prends le large. Oula ! Ouais, ça monte trop. Hein. Oula là. Oh oh oh, oh oh oh, j'ai trouvé le sens de la réponse qui m'enchaîne. C'est la station de Bois d'Arcy chez Leclerc. C'est bien, vous chantez bien, vous êtes mignon. Il y a un papa chanteur. C'est le papa. C'est Karim, c'est ça? Non, c'est ça. Papa chanteur. Quel homme au short. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Arrête de faire des signes, bordel. Il faut que parler derrière, on les entend. Ouais, vous êtes là-haut. Il n'a rien à branler de Tal, dites-le tout de suite. Il m'a pris ma chaise. Voilà, en fait, depuis tout à l'heure. Je parle avec Tal, il y a deux vieux du mois pécho. Ouais, mais t'entends derrière. Une grosse voix psycho en plus. Il m'a pris ma chaise. Va te faire enculer avec ta chaise. On va aller chercher toi. Mais vous savez, on est en train de discuter, on est content et vous, faites chier qu'une chaise. Il m'a pris ma chaise. Mais on s'en fout. Ils sont dingues. Excuse-moi alors, je suis désolé. Ils sont mal élevés. Regarde le papa qui connaît tout. De tes chansons presque. Arrête de lui mettre la pression, le mot. Presque. Vas-y, une chanson au hasard. Dis-le-moi, j'appuie dessus. Au hasard, celle que tu connais, celle que tu maîtrises. Attention, il est coaché par sa fille. Regarde, il est coaché, attention. Bon, tu vas voir, c'est de l'approximatif. Hein. Moi, je mets celle-là, tu te débrouilles. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne. À chaque fois, sur l'arche devant de la scène. Et à chaque fois, sur l'arche devant de la scène. T'as vu, je sais. Ça ne veut rien dire à chaque fois sur l'arche devant de la scène. Bon, allez, bienvenue en tout cas. Hein, ça. Bon, alors, d'abord, commençons par ordre. Il y a plein de gens qui veulent te poser plein de questions. Comment étaient ces vacances? Est-ce que t'es parti d'ailleurs? Parce que oui, j'étais à Los Angeles avec mon équipe. Voilà, j'ai profité, j'ai fait du quoi, tu es allé à la plage, voilà, des vacances quoi. Des vacances quoi. Il fait froid sur la plage de Los Angeles, parce que tu te dis, tiens, j'irai bien dans l'eau, et puis fais, ah non, j'y vais pas. L'eau est fraîche, ouais, c'est vrai. C'est des problèmes c'est de riches, ça. Ouais. Moi, je m'en fous quand même. Tu vas dans l'eau? Ah ouais, moi je m'en fous quand même. Là, c'est pas possible, tu allais trop gelé, elle fait 15 degrés. Ouais, c'est pas possible. Elle fait 15 degrés, bah, c'est l'océan. Hein. C'est l'ouest, c'est comme fait... la Bretagne des États-Unis. Mais, hein. Les amis, ouais. Sauf qu'il fait 28 dans l'air. 28, 15 degrés, tu prends un choc thermique. Ah, j'avoue, ouais. Ah, il fait trop froid. T'y vas, t'es sérieuse? Tu sais, quand tu les vois dans Alerte à Malibu, là, pour ceux qui regardaient la série, quand tu les vois courir et se jeter dans l'eau, crois-moi qu'il fallait être bien payé, parce que moi je ne savais pas. Hein. Ah, tu comprends pourquoi les s'enferment, Pamela Anderson? L'eau, elle est gelée, c'est un truc de malade. Bon, t'as bien kiffé alors? Ouais, écoute, ça fait du bien avant de reprendre le marathon là. Mais c'est bien. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on se dit là? L'Olympiade, 11-12 mars 2017. Ouais. Ça, deux Olympiades, très bien, on y est. Et la nouvelle tournée qui va débuter en février 2017, il n'y a pas encore les dates, mais ça va arriver au fur et à mesure. Exactement. Je vois ma bouteille d'eau qui est tombée, vous avez vu le réflexe? Hop, je l'ai remis droit. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir de te voir. T'es toute jolie et tout, bien. Merci. Bronzée. Toi aussi? Si. T'as bronzé. On t'a fait que des compléments tout le long de la semaine. Compléments, ça ne veut rien dire. Des compléments, on vous a fait des compléments. C'est lui qui l'a maigri. Oui, ben je l'ai dit tout à l'heure. Entendu? Ah ouais! Je lui ai dit en off, histoire d'être beaucoup plus. Oui, c'est tout de suite mieux. Oh bonjour, t'as maigri! Ouais, c'est gentil. Ouais. Allez, on fait un bisou à Léo! Ça va Léo? Ça va et vous? De Sérémange, en Moselle! Oui! Je l'ai vu hier, je vois très bien. Ah bon? Oui. Ouais, j'avais oublié que Tal. Elle se souvient tout le monde. Ouais, j'avais oublié que. Tous mes potes en fait. Ils viennent à la maison. C'était tous à Los Angeles d'ailleurs. Ouais. Ils emmènent en vacances. Ouais. Ça va Léo? Ça va et vous? Mais tu l'as vu où Tal hier? Je l'ai vu hier à Châlons-en-Champagne. J'ai fait 400 km pour venir la voir. Oh, Choupinot. T'étais à Châlons-en-Champagne? Oui, Châlons-en-Champagne. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Il y avait un plateau radio. Ah ouais, voilà. C'était bien. Ouais, c'était cool. Ouais, plein air? En plein air. Ah, c'est bien. Il faisait chaud, il y avait du monde, ouais. C'est cool. C'est bien. Tu l'as trouvée bien, Léo, Tal? Elle est parfaite à chaque fois. Donc, voilà. Il y avait qui d'autre sur scène avec elle? Il y avait Slimane, Ritza, Black M, les Kids United, mais moi je m'en fous, moi je venais pour Tal. T'imagines dès qu'il y a un artiste, non toi, dégage, non, toi, toi, toi. Je veux Tal. Eh hey, Black M, elle arrive quand Tal, c'est pour savoir. Bon allez, sors. Ça va mon Léo? Elle arrive quand Tal. Ça va et toi? Bah ouais, tranquille. Hein. C'était trop bien. Hier, je voulais encore te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous, de nous permettre de te rencontrer. C'est trop gentil de ta part. Merci beaucoup. Bah écoute, je vois vos messages sur Twitter. On est là, viens nous chercher. Donc du coup, voilà, j'essaie de vous faire rentrer. Si Julie est morte de rire, c'est qu'elle vient de comprendre une vanne qu'a fait Pietre il y a 5 minutes. Quand j'ai dit elle est là Cantal, il a dit pas le fromage. Et depuis tout à l'heure, elle est morte de rire en boucle sur Cantal, pas le fromage. Voilà. On a dit qu'on arrêtait. Ouais, on a dit qu'on arrêtait les vannes. C'est moi qui l'ai fait d'habitude. Bon, donc Léo, une petite question peut-être. Je voulais savoir si tu as déjà des idées pour le nom du prochain album et si tu as déjà travaillé sur la tournée, sur la pochette du premier album, du troisième album. Faut y arriver, j'ai perdu. Dans la cinquième pochette du huitième long du quatrième album. Oui, on est en train justement de tout finir là sur le visuel de l'album. Okay. Donc je suis en train de finir le livret de l'album si tu veux savoir, donc tout ce qu'il y a à l'intérieur, photos, les codes couleurs, etc. Voilà. Ok, d'accord. C'est un garçon. Merci. C'est un garçon, oui. Bah, Léo, oui, c'est un garçon. Oui, mais enfin, c'est pas évident forcément. Ah, ouais, quel âge, t'as quel âge, Léo, déjà? 14 ans. Voilà, non, c'est pas évident. Il a pas mué encore. Non, il a pas mué. Il rappellera, son salut, c'est Léo. Ouais. Et moi, je dis, j'étais en train de vous écouter, merci, bravo Tal. Super. Je te fais un bisou, Léo. Je t'embrasse, mon pote. Gros bisous, Léo. T'embrasse fort. À bientôt. J'ai le temps encore pour passer. Au revoir. J'ai le temps pour passer du monde. Oui, tu peux. Sandy, en Corse. Même le public est connu. Elle est connue, Sandy. Bonjour tout le monde. Salut, Sandy. Oh, Matalou, ça va? Ça va et toi? Attendez, le public, oui, vous avez. Attends, Sandy, attends, t'as des potes dans le public là, Sandy. De... Ouais, c'est la quatrième dimension. C'est mes fans. Donc ça veut dire que dans le public, tu vas avoir des gens qui vont dire ce qu'ils font. Tal, tu peux te taire qu'on entende mieux Sandy? C'est que les fans de Tal ont des fans elles-mêmes. Ouais, mais il y a des fans de fans. Mais vous vous connaissez comment? Parce qu'à force d'être fan sur les réseaux sociaux. Bah ouais. Bah à force. Vas-y Sandy, vas-y, à toi. Je voulais savoir, comme pour cet album, tu es beaucoup plus impliquée et tout, donc il va vraiment te ressembler. Et est-ce que tu as peur du coup des réactions par rapport à cette évolution? Non, j'ai pas peur parce que l'essentiel c'est que je sois heureuse dans ce que c'est je fais aujourd'hui. Donc voilà. Après, je suis contente. Elle est très bien. Non, parce que. Non, écoute, mais Sandy, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que j'ai fait les choses avec mon cœur. Ceux qui n'aiment pas, tant pis, parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. Et ceux qui aiment, au contraire, c'est, je suis super contente parce que ça me ressemble à 1000%, comme tu sais. Donc voilà, je suis impliquée, j'ai co-réalisé l'album, je suis. Vraiment, voilà, c'est mon univers et je suis très très contente déjà de l'avoir fait. Et voilà, c'est l'un des premiers. Ça part bien déjà avec le premier single. Ouais, carrément. Qu'est-ce que tu dis, Sandy? Qu'est-ce que tu dis, Sandy? Plus ça te ressemble, plus on kiffe et te voir évoluer et tout, c'est juste trop bien. Donc, Bon, c'est même quand tu répètes, on comprend pas. Mais, mais c'était gentil. Non. Bon, t'as passé un bel été en Corse, Sandy? Raconte-nous un peu. Oui, ça va. T'es resté en Corse? Ah oui, quand on habite la Corse, on part en vacances. Ah bah voilà. T'es déjà en vacances. Je veux pas partir. Vacances toute la nuit. Ah ouais, c'est magnifique. Et c'est ça louche. Ouais. Je voulais te dire, je sais pas si tu te rappelles pour octobre ce que je t'avais dit, mais c'est bon, j'ai pris mes billets. Ah ça y est? Oui. Ah bah voilà, très bien. Tu vois, je t'avais dit. J'ai pas compris. Elle a pris ses billets pour la tournée. Pour venir à Paris. Ah oui, tu vas venir. Génial. Eh ben tu vas être content, tu viendras nous voir, tu viendras nous faire un petit bisou au studio, on t'invite. Mais je veux pas vous voir. Mais j'ai pas envie. Mais je m'en fous de vous, je veux voir Tal. Bon, ben, je la refais. Si vraiment tu viens à Paris et que t'as envie à un moment donné, hein, t'as un peu le temps. On sait jamais. On t'invite dans l'émission, mais on veut pas te déranger, hein. Ok. C'est le poli. J'ai l'impression qu'on est le grand tonton de province. Tu dis, tu viens à la maison, tu fais ouais, je passe. Est-ce que tu voudrais qu'on se fasse un premier titre en live, Sandy? Ah oui. Qu'est-ce qu'on se fait? Le premier, on se fait quoi? On se fait le nouveau titre. Le nouveau ou pas? Bah, le nouveau titre. Ah, allez, on se fait le nouveau que vous allez peut-être découvrir. Mets-toi en place. C'est la première fois qu'elle le chante. Hein. Oui, j'ai la pression. Bisous, ma Sandy. Au revoir, Sandy. Bisous à Corse. Embrasse tout le monde. Il y aura Loana dans 2 minutes. Il y aura Flavie, Juliette, Anaïs, Jessica, Lola. T'es là, Lola, en Belgique? Lola! Lola, Lola aussi, elle a des fans apparemment. Ouais, on a entendu à Lola. Vous vous connaissez un petit peu trop, hein, je crois, entre les fans. Ah, c'est une grande famille. Hein. Incroyable. Lola, ne bouge pas, ce sera à toi dans quelques minutes. Si vous ne connaissez pas le nouveau titre de Tal, il s'appelle Le Temps qu'il faut et vous allez vous le découvrir maintenant en live. Pietre. Avant de faire le coup de ton micro, tu peux le couper. Je laisse la place. Non, mais c'est pas laisser la place, c'est que t'attends tous les bruits. Là, on a tout entendu. Il faut couper ton micro. Laisse la place, mais en silence. T'as l'éléphant, celui-là, quand il se déplace. Tal, are you ready? J'ai peur. Pourquoi tu as peur? Non, c'est la première fois que je le chante et je suis très émue de le chanter ici avec vous, Koé, et toute l'équipe. Et vous, merci de venir aussi nombreux. Voilà, je suis très contente et j'ai hâte et je stresse et tout va bien. En espérant, n'oublie pas les paroles. Les paroles sont bien, Oui, les paroles, c'est bon. Tu nous fais pas une surprenette. Voilà. Faites du bruit pour Tal, le nouveau titre. Vous le découvrez sur Énergie, Le Temps qu'il faut. Et c'est en live. On est mercredi soir. Merci d'être avec nous. Take time to pray. Everybody's always in a hurry. Everybody's always in a hurry. Les yeux perdus à nos écrans noirs. Les jours s'emballent, s'écoulent à mille à l'heure. Au ciel des nuages embrume nos espoirs. On ne voit plus tomber le soir. Cœur isolé dans nos villes, coule le temps de nos mains malhabiles. Toutes ces secondes qui filent, la vie qui nous prend là dans ses filets. Prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Hey, we don't need to run, run, run, run, run. When the problem come, when they come, they will come. We can overcome, come, come, come, come. Hey, we don't need to run, run, run, run, run. Life can be so fun, make it fun, make it fun. We can overcome, come, come, come, come. Hey. Everybody's always in a hurry. Everybody's always in a hurry. Souvent je rêve que vienne le temps des moments doux comme la soie vers la lenteur et les sentiments au loin la peur qui s'en va. Passe les jours et les combats. Combien d'étés reste-t-il ici-bas? Face au temps, on n'a pas le choix. Combien d'amour reste-t-il à nos bras? Prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Hey, we don't need to run, run, run, run, run. When the problem come, when they come, they will come. We can overcome, come, come, come, come. Hey, we don't need to run, run, run, run, run. Life can be so fun, make it fun, make it fun. We can overcome, come, come, come, come. Hey. Est-ce que vous êtes là? Ouais. Prenons le temps qu'il faut. Hey. Prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Hey. Come when they come, then we come. We can overcome, come, come, come, come. Hey. We don't need to run, run, run, run, run. Life can be so fun, make it fun, make it fun. We can overcome, come, come, come, come. Hey. Everybody. World, world, world, take time to pray. Everybody's always in a hurry. L'album va arriver dans pas longtemps, c'est le nouveau titre extrait du troisième album qui va paraître en fin d'année, Le Temps qu'il faut, vous l'avez écouté chez nous en live, c'est beau non? Ouais. Bah, tu vois, fallait pas stresser. Hein. Pourquoi t'as stressé? C'était vachement bien. T'étais hyper à l'aise, on n'avait pas l'impression que c'était la première fois. On a quand même failli avoir les applaudissements avant la fin. J'ai eu peur. Si, si, si, t'as failli le faire. On a eu de très beaux. Il y a une demoiselle qui nous a fait un joli. On a eu un très beau et juste derrière un très moche. Ouais, d'ailleurs, t'as retiré le micro assez vite. On va les remettre ce moment. Si vous avez un peu raté le. Il y a une demoiselle qui est venue avec une guitare parce qu'il paraît qu'elle a fait une vidéo où elle se jouait de la guitare et tu l'as liké, paraît, en disant bravo, c'est très bien. Mmh. Elle est venue avec sa guitare, donc tout à l'heure. Alors maintenant, les auditeurs, tu leur donnes ça, ils prennent ça. Oui. C'est-à-dire que la demoiselle a dit ouais, j'aimerais bien tout à l'heure faire peut-être un duo avec Tal, donc je suis venue avec ma guitare. Donc j'ai ramené ma guitare. Je croyais qu'elle voulait la faire signer, mais non, pas du tout. Donc tout à l'heure, si t'es sage, je sais pas, peut-être que tu sortiras ta guitare à la fin et on verra ce que tu donnes. D'accord. Merci beaucoup. On verra. Attends, oh là là, c'est pas fait. Mais on sera dur. Le jury de The Voice, ce sera de la gnognotte à côté de nous. Tu veux chanter quoi? En We Awake. Ah cool. Parce que comme tu l'as pas chanté. Bah ouais, on va l'écouter. C'est un reproche. On peut l'écouter avec toi, pas tout seul. Ah, avec toi. Pas toute seule. Ah si, tu commenceras toute seule, bien sûr. Parce que le jury de The Voice, il se retourne. Ouais. Mais nous, si ça te plaît pas, on se retourne et on se barre. Ouais. Nous, c'est l'étape du dessus. Tu commences toute seule et si tu finis t'as bien, le temps, t'as le temps. T'inquiète pas, on va te laisser te détendre un petit peu. On va faire un bisou. Hey Laura, ça va Laura? Bonjour. Oui. Bonjour, 14 ans. Bonjour Laura, comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va bien, je vous présente Tal. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. T'as quel âge? J'ai 14 ans. Ça va? Oh, t'es toute, t'es trop mignonne. Je suis désolée, j'avais trop peur de pas pouvoir te parler. Bon, ça y est. Du coup, on est ensemble, on parle, donc c'est cool. Mm-hmm. T'es contente? Ouais. T'avais une question, ouais. Oui, c'était pour savoir si t'avais d'autres projets en cours. Bah oui, elle vient de sortir, elle a pas encore sorti son album. Est-ce que t'as autre chose de prévu derrière? Non, mais par exemple, je sais pas si dans le cinéma, des trucs. Parce que je sais que t'avais envie de participer à des séries, etc. Par exemple, Plus belle la vie. Bah écoute, là pour l'instant, je suis vraiment concentrée sur mon album et puis j'ai pas de projet à côté de ça, mais je l'espère pouvoir, enfin par la suite, après, quand j'aurai le temps, chaque chose en son temps. Donc voilà. Déjà, il faut sortir un bel album. Voilà, déjà. C'est important. Et après, il y aura combien de chansons dessus? Alors, il y aura 12 chansons, il y aura des bonus aussi. Très bien. Voilà. C'est bien. Mm. Au-dessus de 10, c'est bien. Ouais, c'est 12, bon, c'est, bon. C'est la moyenne. C'est bien, c'est très bien. Je te fais un bisou, Elora, je t'embrasse. Bisous. Je peux juste dire un truc ou pas? Oui, bien sûr, vas-y. Bien sûr. Je voulais vous dire que c'est super, franchement, ce que vous faites, pour le principe d'appeler des fans, parce qu'il y en a qui n'ont jamais rencontré Tal, ou qui l'ont jamais au téléphone, et le principe de pouvoir appeler des fans, je trouve ça super. Et voilà, moi, pour ma part, je l'ai déjà vue l'année dernière, et elle me manque trop, et j'ai trop l'impression que je la reverrai jamais. Bon, oh là là, pourquoi tu ne la reverras jamais? T'habites où? Comment? Tu habites où? J'habite à 7. Ah oui, tu la reverras jamais. Attends. Ah, c'est mort. Mais c'est pas prévu. Non, mais il va y avoir peut-être une date de concert à côté de chez toi, non? T'as regardé sur internet? Oui, il y a la Grande Motte et Béziers. Et tu peux venir ou pas? Bah, la Grande Motte, je voulais y aller, mais c'est un casino et apparemment dans les casinos, on n'a pas le droit. Ah si. Quoi? Si. Non, parce que normalement, c'est à côté, j'ai Florent Père qui devait venir à un casino de 7, par exemple. Ouais. Et j'ai pas le droit d'y aller parce que c'est un casino. Ouais, parce que toi, t'es blacklisté, c'est différent. Non. Dans les salles de casino, tu peux y aller quand t'es mineur. Bien sûr. Tu peux y aller c'est pour un les concert. Spectacles. Bah, j'ai fait des spectacles dans des salles de casino. Heureusement, ça t'imagines s'il y avait des vieux. Non, tu peux. Regarde, renseigne-toi sur internet et tu peux prendre des places. D'accord. Si tu veux bien sûr. Bah oui, bah j'aimerais bien. Pour après. Mais oui, mais t'inquiète, bien sûr que tu pourras venir. Donc tu vas aller dans les casinos, tu vois, tu repars en ayant une info. Ou sinon, elle peut aller chanter dans un supermarché casino. Là, t'as le droit d'y aller. Ouais. Là, c'est sûr. Je te fais un gros bisou, Elora, je t'embrasse. Bisous. T'as l'air avec nous. We can overcome, come. Alors, nous revenons sur ce hey du public. We can overcome, come. Dans la gorge. Et que du coup, sa note n'est pas sortie en fait. Et qu'il y a eu un. Mais c'est qui? J'espère que c'est pas celle qui veut chanter avec moi. C'est celle d'à côté, c'est la copine. Attention, assieds-toi. On dirait une chèvre. Attention, dans un instant, on aura le grand quiz avec toute l'équipe pour essayer de savoir justement, puisque le titre s'appelle Le temps qu'il faut, on fera un grand truc sur le temps qu'il faut. Tu verras, ce sera à toi d'essayer de répondre et on verra si tu as répondu juste ou pas. Mais en attendant, puisque le titre qu'on a entendu tout l'été, c'était. Ça veut dire quoi? Sommes-nous réveillés? Oui, c'est ça. Ouais. Écoute-moi bien, je vais te donner des infos, vraies de vraies, sur ce que font des gens au réveil. Je vais te demander si tu es concerné ou pas. Tu auras le droit de me dire oui, c'est mon cas ou non. D'accord. Tal, 8% des femmes se sont déjà réveillées avec plusieurs hommes dans leur lit. 8%. Et toi? Non, jamais. C'est clair, merci beaucoup. Next. Non, jamais. 3% des vieux le matin font pipi et ensuite se lèvent. Et toi ? Bah, je suis jeune. Ah oui, mais bon, on peut avoir des accidents étant jeune. Non, bah non. Ça viendra. Je mets non. T'as sûr, à chaque fois, on va te mettre dans la merde. 1,1% des gens qui ont un chien ont déjà confondu les croquettes pour chien avec les céréales pour le petit-déj. Mais non. Si, si, si, 1,1%. Ah, hein, ah ouais, c'est merde. Peu. Et toi ? Non, ça m'est jamais arrivé. J'ai une chienne. Ah d'accord, il y a une odeur, il y a quand même une odeur. Ah ouais, ouais, mais le matin, tu fais pas gaffe. Ouais. Ouais, en fait, tu le mets direct dans la bouche, voilà. Tu n'as même pas le temps de sentir. Quoi. Moi, une fois, j'ai fait le pari, tu sais, les boîtes de on a tous ouvert les pâté, les boîtes de pâté, quand tu les ouvres, t'as vu, ça sent la saucisse un peu. C'est pas si mauvais que ça. Ouais. Mais une fois, j'avais fait le pari, je crois que c'est dans une émission. Je peux le manger, c'est rien. La texture. Et en fait, tu le manges. Et alors, tu l'as goûté vraiment ? Ouais. Et alors ? Et au début, tu fais, c'est rien. Et t'as un deuxième goût, car l'odeur qui reste. Et toute la journée, tu le balades avec toi, l'odeur. Et ta bois. Zéro. Tu fais pipi sur les roues de voiture. 0,03% des gens se sont réveillés en parlant une langue étrangère ou avec un accent alors qu'ils n'en avaient pas. 0,03%. C'est pas beaucoup. Hein, mais... Et toi ? Bah moi, ça m'arrive de faire l'accent antillais. Au réveil. J'ai bien dormi. J'ai bien dormi cette nuit. Hein. Quelle belle journée. Il est 17h. 2,2% des gens se sont déjà fait réveiller par un seau d'eau. Non, jamais moi. Jamais ? D'accord. Non, Pietre, merci. 74% des gens ne disent rien le matin quand ils entendent leur partenaire péter au lit pendant le sommeil. Et toi ? Bah, personne n'a pété dans mon lit. Jamais ? Enfin, peut-être, mais en tout cas, je dormais, donc je sais pas. Ça, c'est horrible. Ça, la première nuit d'amour avec ta chérie. Mais ça, il n'y a que vous quand on entend. Non, non, c'est forcé que ça arrive. Ça arrive. La première nuit d'amour, et là, je sais que tous les mecs qui m'écoutent, à qui c'est arrivé, qui sont avec leur chérie, ils ont fait bien. La première nuit ? Ouais, ou la deuxième, c'est t'as fait le dîner romantique, c'est encore tout récent, c'est un petit couple et tout. Et là, tu t'endors, et à un moment donné, t'as pas fait attention et t'entends. Et c'est toi, c'est terrible. Ouais, c'est pire terrible. Si c'est elle. Hein. Ouais. Ah, le pire, c'est quand c'est la meuf. Si c'est toi, si c'est toi, tu dis rien. Si c'est elle, fait oh, dis donc. Ouais, ou alors le pire, c'est que c'est toi qui le fais. Tu fais oh, dis donc. Ouais. Tu l'accuses. Ça, c'est très courant. Ça. Mais ça, c'est bien. Reste avec nous. T'as notre invité. On aura Loana dans 2 minutes. Ça va, Loana? Tu bouges pas? Non. Oui, ça va. Bouge pas. On s'occupe de toi dans un instant. Il y aura Flavie dans la foulée. Qui c'est qui a dit ça? Flavie. Ça va, Flavie? Qui a dit ça? Oui, ça va. Allez, à toi après, elle va ressortir. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció.

sondage vient de tomber qui n'a absolument rien à voir avec toi, mais c'est important de le dire. Nous avons le sondage des endroits préférés par les gens pour faire l'amour au bureau. Ah! Et parce qu'il y a des gens qui font l'amour au bureau. Oh, Julie. Ah. Oh, genre, c'est nouveau. C'est génial. C'est mignon. Genre, elle ne l'a jamais fait, ouais. Elle ne le savait pas. J'ai jamais fait. Oh, c'est mignon. Non, j'ai jamais fait, vraiment. Oh, c'est rigolo. Enfin, BioWare, c'est le bureau ou... Tu l'as fait. Tu l'as... Elle l'a fait comme ça en mode. Il y a des gens qui font l'amour au bureau. Bon, alors, d'après vous. Bah, sur le bureau. Non, prenez-moi. Bravo. Première position. Bah, le bureau, bah, oui. En lui-même. Voilà. Ah, bah oui. Deuxième position, d'après vous, c'est quoi? Doritesque sur internet. Arrête de répondre, toi, Pietre, parce que toi, tu vas te répondre à toi. Attends, Stouff, elle est calée, là. Non, toi, t'as dit quoi? Les cages d'escalier. Non. Tal. Donc, t'as dit le bureau. L'ascenseur. Julie, l'ascenseur, la... oui. Ah. On voit que c'est du vécu. Tal, pour l'instant, tu n'as pas marqué un seul point. On a dit escalier, ascenseur, on a dit bureau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, bah si, il y a chaise. C'est pas un endroit. Un endroit. Un endroit. On avait. Okay, on avait oublié une. On avait oublié un endroit la dans salle les... de réunion. La cantine. Là, ce qu'a dit ah, la salle de réunion. Ouais. C'est Guiguette. La salle de réunion, c'est le truc qui arrive en troisième position ouais, pour faire l'amour. C'est vrai que c'est pas mal. La salle. Mais toi, tu dis toi, de toute façon, on te dit n'importe quel endroit du bureau. Ah non, j'ai pas fait. Ouais. Je l'ai pas les toilettes. Eh ben non. Ah. Ah non, mais c'est ça. Eh ben là, mais non, tu sais quoi? Moi, j'étais persuadé, j'aurais dit comme tal, j'étais persuadé que les toilettes de bureau étaient l'endroit où tu peux t'isoler un petit peu. Ouais. Eh ben non, c'est là où tu peux fermer aussi. Enfin, je sais pas. D'accord. Remarque la salle de bureau. Le mieux, ça reste quand même le bureau du patron. Le tien, il a pris cher. Attends. On a tous fait chez lui, mais c'est pas lui, tu sais. Ils ont tous fait l'amour dans mon bureau. Ouais. Je l'ai appris bien après. C'est vrai. Quand moi, je vivais une période de misère sexuelle absolument totale. Ouais. Et j'ai appris que quand j'étais dans mon canapé, que je faisais des siestes dans mon canapé. Et quand il passait, il venait. Et j'ai compris pourquoi, après, bien après, pourquoi ils se marraient tous. Ah, c'était merde. Horrible. Ah, tu l'as su bien après. Horrible. Ouais. Ouais. N'osais pas lui dire. Horrible. Je pense que les experts, ils passent la lampe bleue. Ah ouais. Mais la chef de la police. Ah, je te jure, ça m'a fait peur. Bon, on revient sur Loana. Pardon, Loana. Loana! Oui. Ça y est, t'es moins émue, ça va mieux? Oui, ça va. Allez, on y va. Ah. Bah, pose ta question, ma belle. Alors, je voulais savoir si sur l'album, tu vas faire des covers. Alors, c'est en train de. On est en train d'y réfléchir, justement. Alors, c'est une très bonne question. Je sais pas. Peut-être. Des covers, c'est les reprises? Des reprises, ouais. Ah oui. Peut-être. On s'en fera une tout à l'heure. On se fera une petite reprise c'est à la guitare. Les trucs pour manger, les covers. Les covers en plastique. Les covers en argent, les covers en plastique. Il est en forme ce soir, entre Quentin et les covers en plastique. Tiens, il fait froid dehors, faut que tu sortes bien couvert. C'est là, t'es. Oh, j'ai faim, je vais manger des haricots verts. C'est pas mal. Là, ça fait marrer les meufs. Bravo. Ah, parce que non, c'est pas d'habitude. D'habitude, on attend le mois de juin pour avoir une bonne vanne. Là, troisième jour, on est bien. D'habitude, la vanne, elle arrive le lendemain. Et là, on est bien. Bon, Loana, donc, elle sait pas encore. Peut-être. Tout à l'heure, on se fera une petite reprise à la guitare, d'accord? Oui. D'accord. Et Tal, si je voulais dire, c'est moi qui tiens le compte Talpic sur Instagram avec les haricots. Ah, d'accord, ok, je vois très bien. Ah, c'est toi qui tiens ce compte? C'est vrai. Ouais, bien, on va le fermer. Oui, je vois. Attends, tu me dois des droits. Ouais, je vois très bien Talpic. Merci d'ailleurs d'avoir fait un compte. C'est les plus belles photos, je suppose. Ouais, franchement, il y a des belles photos. Il n'y a pas un compte avec que des photos pourries. Ouais. Ça s'appelle Tal Dégueu. Tal Dégueu. Ce serait drôle parce que des fois, on fait tous. Non, mais encore une fille, ça fait attention. Mais des fois, on fait toujours une petite photo un peu bizarre. Quand non, mais t'as toujours des dossiers. Hein. Même sur une meuf, t'as des dossiers. Des photos qu'on regrette. Ouais. Ah ouais. Les photographes prennent, c'est au moment où tu baisses ta tête. Des photos dossiers. Des photos quand tu t'y attends pas, t'es chelou. Je te fais un gros bisou. Bisous. Même des quoi? Des photos de genre quand t'étais jeune. Que même toi, tu te rappelles pas comment c'est sur internet. Ils les ressortent. Gros bisous, ma petite Loana. Je t'embrasse. Flavie, dans un instant. Juliette et tout le monde. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qu'on écoute? Juliane Peretta. Merci, Julie. Je l'ai aidé. Elle allait dire Tal. Oh là, t'as aidé. Merci, Julie. T'as vu, Jérémy a changé, hein, Tal. Oh la vache. Allez, voici Juliane Peretta sur Énergie. On est là, on est mercredi. C'est la première semaine, on est de retour. J'espère que vous avez passé une belle vacance, que vous êtes bien bronzés. Demain, c'est la reprise pour certains. Ouais. Sinon, c'est vendredi. Sinon, c'est lundi. C'est bien, c'est par étapes. So hard to think about what we could have been. Where love could have taken us. Blame it on the wind and cry, cry, cry. You know why. I'm drowning in an ocean of salt water. I couldn't make it any more hard. so emotional. Come, we make a truce. Cause I cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Maintenant, tu te concentres. Attention, on y va. Avant d'avoir tous les auditeurs qui vont te faire un bisou, puisque ça s'appelle le temps qu'il faut, voici des questions. D'après Allez. Toi, combien de temps faut-il à Julie pour retrouver un bijou qu'on a jeté dans une poubelle? Oh non, poubelle non. est là. Donne le bijou déjà. Le bijou est dedans. Il est déjà dedans. Le bijou est déjà Après, dedans. Je vais donner mes bijoux. Donne ta bague. Sachant que le temps que tu donneras, elle devra absolument elle devra le faire. Ah bon, sinon elle récupère pas le bijou. Si elle dépasse, c'est mort. Ouais, si elle dépasse, c'est dégoûtant la ouais. poubelle. Ouais, ouais, on a pris une poubelle chargée, je te cache donc, pas. Donc en fait, si j'ai une heure, c'est cool. Quoi. Ça nous emmerde un chiant. Petit peu. Elle va fouiller jusqu'à la fin de l'émission. Ça joue en seconde, hein, sinon c'est chiant. J'ai le chrono. Écoute, je vais être sympa. C'est quoi comme bijou? Mets-lui un truc. Mets-lui un truc genre un challenge quoi. Ouais, genre 10-12. Bon, allez. Et t'as pas le droit d'en tout retourner. Non, je vais mettre 30 secondes. Ah, c'est long. Oh là là. Non, 30 secondes. Et j'ai rien. Je peux pas sortir la poubelle. Non, non, t'as pas le droit de l'acheter. T'as pas le droit de la retourner. 3, 2, 1, top, c'est parti. Attention, Julie. Ah hey. Quoi? Ah, mais c'est mouillé, voilà, voilà. Il y a du café. Voilà, voilà. Ah, bah, il y a du oui, café. Y a poubelle, hein. Du café. Quoi comme bijou? C'est quoi comme bijou? T'as pas la marque, tu veux pas le prix non plus? Ah, sinon, elle le cherche pas. Ah, bah, cherche. 15 ah, secondes si déjà de passer. Si c'est une boucle d'oreille toute petite, elle est dans la merde. Julie! Ah, mais c'est mouillé! 20 secondes! Et tu, je te dis pas ce qu'on a fait dedans. C'est mouillé! Dire après. 5, c'est mouillé. 4, 3, 2, 1, ah, bravo, bien joué! En 28 secondes, excellent Julie, je note. T'as vu ça? Il restait 2 secondes, hein, heureusement que j'ai dit 30. Combien faut-il à Mika? Mika, lève-toi, s'il te plaît. Oui, c'est ma séquence préférée, celle-là. Combien faut-il à Mika? Mais faut-il de temps? Notre standardiste, que nous appelons Mikamikaze, ah, pour casser une planche de bois sans outil avec la tête. Alors, sinon, il y a le choix. Sinon, on a un manche à balai aussi, sinon. C'est plutôt en combien de temps va-t-il tomber par terre, là, les gars? Ça se tente, le manche à balai. C'est dur, non, mais là, il est pas bien, là. Attends, sachant qu'il a éclaté plusieurs pastèques avec sa tête. Ah. Notre coco aussi, il me semble. Et qu'ensuite, on l'a pas vu pendant un an. Voilà. C'est vrai, il a disparu. C'est le dernier truc qu'il a fait après. Bon. Alors, d'après toi, combien de temps lui faut-il pour casser cette planche sans outil avec la tête? Eh ben, écoute, on espère qu'il le fera d'un coup. Ah oui, mais en donc, combien de temps on va te dire, on va te donner 10 secondes. 10 secondes. Ah non, mais c'est pas possible en 10 secondes. C'est noté. Non, mais je lui donne. C'est quoi ? Il va pas y arriver du premier coup. Vaut mieux laisser un peu de temps. Non, 10 secondes, il va se faire secondes, mal et on va rigoler. Secondes, c'est bien 10 secondes. Ouais, 10 secondes, il faut y aller. Il peut plus retourner rester derrière. 10 secondes, c'est. Ah, il faut y aller. Ah ouais, ouais. Comme la, tu la, fais bien la planche d'abord. Mais il va le faire ça, je vous préviens. Il préfère d'abord. Il préfère le. On va faire un test sur le balai. Mais t'es ouf toi. C'est pire, mec, c'est tu pire. Tu casses pas un balai avec la tête. Eh, mais regarde comme ça, tu vois, ça m'échauffe un peu la tête. Après, on teste la planche. Ça m'échauffe. Ça m'échauffe. Ça pas une enclume pour que je m'entraîne. Oh non. Moi, je veux bien essayer. Ça m'échauffe. Vas-y. Je sais pas si je vais y arriver. Je sais pas. Ça c'est le balai. Tu fais quoi? Le balai. Vas-y. Le balai. Le balai. Viens ici parce que je vais essayer de faire un boomerang en même temps. Attends, approche-toi. Non, prends le plus loin, mais il faut que ça plie. Approche-toi un petit peu, Mika. Attends, ici. Attends, là il va le faire. Écarte tes bras. Mais je vais t'arracher la tête. Hein. Écarte tes bras. Attends, Mika, attends, là, parce que c'est certainement chaud, le dernier moment où je vais te voir en vie. Donc, à go, tu y vas. 3, 2, 1, go. Oh, oh, oh, mon Dieu. Oh, putain. Voilà, voilà. Mais comment il a fait? Oh, le gif! Mais t'es énorme! Ah, un beau gosse! Je pensais pas qu'il arriverait! Mais c'est un ninja! Ninja! Mais comment t'as fait? Et la planche? Allez, c'était la planche. Un échauffement! Allez, essaye la planche, on essaye la planche! La planche, par contre, c'est un peu compliqué, maintenant, je pense, on va essayer. La planche, et ensuite, tu feras le mur! Eh ben. Alors, on y va. Après, tu feras un bus de la RATP. T'as vu le poids ou pas? Alors, maintenant, on a dit 10 secondes, mec. Hein. Là, ouais, faut, là, ça y est. Là, c'est enchaînement, là. Bam, bam, bam, bam. Oh, bam, bam, bam, bam. 3. Attends. C'est les gens derrière qui ont mal pour toi. Attention derrière. Hein. 3, 2, 1, top. Oh, oh la vache, du premier coup. Ce mec est fort. Ce mec est fort. Réaliser son trucage, hein, je tiens à le dire. Et ne faites pas ça chez vous. Bien sûr, je rappelle que la planche est une mais cascadeuse. Hein. Avec le risque, on avait, c'est un ninja. On avait galéré la dernière fois. Non, mais les gars, on s'est dit, c'est pas possible, il n'y arrivera jamais. Attention, on continue. Tal, le temps qu'il faut. D'après toi, combien de temps faut-il pour que Stouff, au standard, Stouff, viens à côté de Tal. Viens à côté de Tal. Regarde-la bien. Voilà. Stouff, Tal, Tal, Stéphanie Stouff. En fait. Hein, mais Stéphanie, mais on l'appelle Stouff, on trouve ça plus marrant. Bah, comme toi, Talouche. Voilà. Nous, c'est Stouff. Combien de temps, d'après toi, faut-il, le temps qu'il faut pour Stouff, pour manger un œil de poisson? Oh non. Non. Dans Koh-Lanta, ça dure un peu de temps. Ouais. Bon appétit. Voilà. Oh là là. Est-ce que tu vas faire le dindon? Stouff, elle fait très bien le dindon. Ça vient vers moi, Tal, parce que. T'as le son coco du dindon? Je l'ai. Sachant que effectivement, quand il y a quelque chose qu'elle a du mal, faut qu'elle le mange d'un coup en fait. Donc non, mais non, tu peux pas le gober. Imagine quand tu vas le refaire caca. Oh là, il va te regarder. Ouais. Écoute bien le bruit qu'elle fait quand elle avale un truc qu'elle a du mal à avaler. Écoute bien le bruit. On dirait un dindon. C'est très beau, hein. C'est très beau. Combien de temps d'après toi le temps qu'il faut? Je vais le gober. Non, mâche. Elle va le manger. Faut que tu mâches. Faut que tu croques. Tu dirais quoi? 10 secondes. 10 secondes. Ok. Mais faut que tu croques. Tu vas t'étouffer vraiment si tu l'avales. Allez, vas-y, Stouff, t'es capable. Il est gros. Mange un homme comprimé. Bam. Montre-le à la caméra. Elle peut prendre un pas d'eau. Trop facile. Non, croque-le, là, faut que tu croques. Ouais, faut que tu le croques. Dis-toi que pendant ce temps-là, pendant que tu fais ce jeu, rien que ça, il y a un poisson qui est dans un aquarium et que là, il fait quel talent. Avec un bandeau. Tout ça pour faire des vannes de merde. Avec un bandeau sur le côté. Merci beaucoup, hein. Et il se prend la vitre à chaque fois. Ah ouais, il est comme ça, il fait ah, merde. Je rappelle qu'aucun poisson n'a souffert, c'est une vanne. Hein. Il était déjà chez le poissonnier, il était réglé. Il était consentant. On y va. C'était consentant. 3, 2, oui, c'est un puissant fouté, il a dit. Tu vois. Sens-le un peu d'abord, peut-être. Non, c'est bon, je le sens d'ici. 3, 2, 1, c'est parti. Une. croque. Oh la pauvre. Reste assise. Reste Stouff. 9, croque, 10. Vas-y, avale. Ça, tu sais. 13, 14. 15, il a avalé ou pas? 16, donc il est résistant. Et là, il nous écoute, il fait ah, il est balé, il a avalé mon œil. Hein. C'est bon. Ça y est, c'est fait. Prends-le. Enfin, pour terminer, combien de temps d'après toi faut-il à Tal pour se faire raccrocher à la gueule par quelqu'un? En étant, tu appelles et tu es légèrement désagréable. Voilà. Si tu es désagréable, combien de temps il faudrait pour qu'on te raccroche à la gueule? On appelle au hasard. Au hasard, hein, on prend quelqu'un au hasard. Hein, ni qui t'aime bien, ni qui t'aime pas, qui ne connaît pas, au hasard. Longtemps, parce que j'ai... faut vraiment que ce soit. Ah, non, mais tu y vas. Ah, mais tu l'enchaînes direct. Connaît pas, on le connaît pas, il sait pas qui tu es. Hein, ah, mais faut que ce soit vulgaire, je peux dire des gros mots. Ce que tu veux. Comme tu veux. Ce que tu veux, d'après toi, en combien de temps il peut te raccrocher au nez? Si je lui dis de raccrocher au nez. Non, ah bah non, ça marche pas. Ça, t'as pas le droit. Je peux faire un salut. Ah oui, c'est ça. 40 secondes. 40 secondes, très bien. En 40 secondes, la personne que nous allons appeler doit te raccrocher au nez. Tu dis ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu n'es pas tal. Tu es n'importe qui téléphone à n'importe qui. D'accord ? Tu as 40 secondes. Ouais, vas-y. Tout le monde met le chrono. Comment il s'appelle le monsieur ou la dame chez qui on va ? Quel est le prénom au moins ? Christine. On y va, c'est parti. Je vais mettre un chrono, mais je ne sais pas où il est. Merci. Heureusement que tu es là. Je le mets en route que dès que ça décroche. Hein. Attention. Merci. Je l'ai lancé. J'ai lancé, je vais le chrono sur le standard, non ? Bah t'es pénible. Ouais, pourquoi t'as dis donc, ouais, je t'aime pas, toi, tu veux, tu vois comme ça. Ouais. Marche toujours. Le je t'aime pas, il marche toujours. Universel, le je t'aime pas. Ouais. Allô ? Oh salut la grosse. La grosse, elle t'est vue elle ? Eh, tu parles à qui, oh ? Je sais pas à qui je parle et toi, tu sais à qui tu parles ? Ah écoute-moi bien, moi je t'explique. Moi je viens pas ni du sud, ni du nord, ni de l'est, ni de l'ouest, hein. Eh ben tu viens d'où alors, de nulle part? Je viens de la Corse. Tout, alors, et nous en Corse on rigole pas, alors écoute-moi bien. On rigole pas en Corse, non, on rigole pas, je te le dis. Moi tu vas me laisser parler parce que quand je parle, personne parle. Allez, personne parle, personne parle quand je parle. Ferme ta gueule. C'est très très bien. Pas mal. C'est très très bien. Par contre l'accent corse, bon rien. Ouais. Ouais, bon, l'accent corse, ouais, on se fait un deuxième live ensemble. Parce que là... Non, c'était très bien. C'était bien. Très bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Allez, prends la guitare, mets-toi en place. On va se faire un deuxième. Qu'est-ce qu'on se fait comme reprise? On avait dit qu'on se ferait une petite reprise. Un cover. Écoute, j'aime beaucoup Drac en ce moment. Drac. Et bien fait, Drac. Allez, Drac. Ouais, allez, on y va. Voici Tail qui va nous faire Drac. Si vous ne connaissez pas. C'est un cover. N'hésitez pas sur. Sortez cover en ce moment parce qu'avec tout ce qui traîne, n'oubliez pas. C'est vrai que les gens, ils en mettent plus maintenant. T'es prête? Est-ce que t'es prêt? C'est beau. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt, prêt, prêt, prêt, prêt, prêt, prêt, prêt, prêt, prêt. Alors faites du bruit pour Tal qui est prêt, prêt, prêt, prêt, prêt, prêt. Rips on your ways from way back way. You know that I don't play. It's risk not safe, but I never wanna wait. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. And that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my head. One more time before I go. I hope I was taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my head. One more time before I go. I hope I was taking a hold on me. And guidance, all that I wish it for my friends. Nobody makes it for my hands. I got the bust up the silence. You got the stick by me. Soon I just see the sticks reply me. I don't wanna step up fighting. Huh. We got the time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my head. One more time before I go. I hope I was taking a hold on me. Bye. c'est joli, hein, c'est Drac. C'était une très belle version de Drac. L'album va sortir dans quelques temps, elle serait notre invitée. Et on vient dans un instant, c'est ça? Allez, bougez pas, Tal est avec nous le temps qu'elle revienne, on se fera des bisous, on se fera encore un morceau de guitare, c'est la soirée ce soir avec elle, à tout de suite, on revient. Sur Énergie. Dès votre réveil, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Ça se passe à Grenoble, deux hommes ont été arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à cambrioler une maison. Leur excuse, on cherchait à attraper des Pokémon. Oh. Oh, alors, échec total, les mecs sont en prison. Il faut savoir que ça marche pas pour tout, l'excuse des Pokémon. Ouais. Ouais, si vous perdez un peu de temps, vous êtes en retard, ça marche. Vous pouvez dire, ouais, je cherchais les Pokémon. Si vous le faites gauler par votre femme en train de vous taper la voisine, dire, c'est pas ce que tu crois, je cherchais les Pokémon, ne marche pas, c'est important. Rendez-vous demain, 6h, 9h30, sur Énergie. Salut, c'est Guillaume. Cet été, avant de partir en soirée, je propose un petit jeu. Plouf, plouf, ce sera toi qui sera Sam, celui qui conduit et qui boit pas. Mais comme l'autre fois, c'était déjà toi et que t'as chopé toute la soirée, alors ce soir, Sam, ça sera moi. Ouais, parce que Sam le sauveur, c'est aussi Sam le tombeur. Alors, y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes. Donc, pour éviter les embrouilles, désignez bien votre Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Gagnez toute la journée votre compile Énergie Back to School 2016. Tous les hits de la rentrée réunis sur 3 CD avec en exclu Charlie Puth et Selena Gomez, Soprano, 21 Pilots, LP, David Guetta, Jennifer Lopez, Mom, Willie Williams, Zao et MHD, Calantis, Nash, Alvaro Soler, Kungs. La compile Énergie Back to School 2016, vendredi dans les bacs. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. La tablette MP Man 8 Go avec un super écran et deux caméras à moins de 50 euros chez Leclerc. Du 30 août au 3 septembre, le très bon plan Leclerc, c'est la tablette MP Man de 8 Go à 49,90€, dont 30 centimes d'éco-participation. Inutile de résister. Une tablette comme ça, à ce prix-là. C'est que chez Leclerc. La revanche des ex, du lundi au vendredi à 18h15 sur Énergie 12. 8 célibataires à la recherche de l'amour. Ce que j'aime avant tout, c'est les femmes, les femmes et les femmes. Tant que ça se mange, je croque. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Leurs ex vont débarquer. On était au paradis, pas d'orage à l'horizon. Et là, on dirait que l'enfer est en train d'arriver. Ils pensaient avoir tourné la page, ce n'est peut-être pas le cas. La revanche des ex, du lundi au vendredi à 18h15 sur Énergie 12. Ce soir. Mais toi tu m'emmènes, je ne sais où. Tu me dis je t'aime un peu partout. Tu sais faire voyager mon cœur à l'international. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le chemin. S'installe chez Koei sur Énergie. Elle est notre invitée. Tal, l'album va sortir dans... Allez, fin d'année. Fin d'année. Fin octobre. C'est bien pour Noël, c'est bien. C'est bien pour Noël. Les NMA en plus. Mais oui, on va te voir pour les NMA. Tu passeras nous faire un bisou, oui, j'espère. Oui, j'espère être là. J'espère. Bon, ouais, t'as intérêt. Bon, je compte sur les fans. Sur les fans, ouais. On n'a pas encore les catégories, on n'a pas tout ça. Encore, non. Ils finissent les DJ Awards là. Ouais, je crois qu'ils vont te mettre dans le groupe masculin de l'année. International. Ouais, ils ont envie de te mettre là pour changer un petit peu. Bon, en attendant, on avait dit qu'avant de partir avec Tal, on ferait quand même un petit truc à la guitare avec la demoiselle qui est en train de se chauffer sur la guitare de Tal. Oui, j'ai pas ma guitare. Elle t'a pas montré la fin de son numéro quand elle prend la guitare et qu'elle la casse contre le mur. Elle le fait classique. Je pense pas qu'elle voudrait faire ça. On a plein de gens qui attendent depuis tout à l'heure. On va essayer d'en passer le plus possible, d'accord? Ouais. On fait très vite. Alors, alors, message général pour Flavie, Juliette, Anaïs, Jessica et Lola. Vous m'entendez toutes? Elles se connaissent toutes, non? Alors, on se dit donc que les « Je t'aime »,« Tu m'as beaucoup manqué », »,« J'ai hâte de te revoir », »,« C'est super, mais on n'a pas le temps ». D'accord? Là, on fait que les questions. Ok? Ok. Allez, ma petite Flavie, on y va. À toi, 17 ans, Nantes. Alors, toi, j'avais une question, c'était est-ce que tu as des idées pour la tournée, mise en scène, décor, etc. Oui, j'y pense beaucoup, donc je vais m'y pencher dans quelques temps, là, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. D'accord. Et aussi, voilà. Je voulais te dire que j'adore Le Temps qu'il faut et te suivre depuis le début, c'est magique parce que je te vois évoluer et t'épanouir, et du coup, voilà, je serai toujours là, je te promets. Ah, merci, toujours, Flavie, toujours. Merci beaucoup. Toujours. Merci pour ta fidélité. Au revoir, Flavie. Non, bisous. Bisous, Juliette, à Dinard. Nard. Oui. Alors, la question que beaucoup de fans se posent, c'est est-ce que tu comptes faire un jour un clip avec tes fans? Jamais. Enfin, avec nous. Jamais. Bah écoute, si la chanson s'y prête, pourquoi pas, avec grand plaisir, tu sais très bien. Oui, je sais. Et je m'en fous si j'ai pas le temps, mais ouais. Je voulais vraiment dire que je t'aime aussi. Blablabla. T'as dérogé la règle, chérie. C'est bien la femme que t'es, et voilà, franchement, merci gros beaucoup. Bisous. Merci, merci. Dans quel clip t'aurais bien aimé jouer, Juliette? Moi, c'était Ah oui, Wake. Ah oui, Wake. Ouais. T'habites où à Dinard? C'est où Dinard? Bah, Dinard, dans les Vilaines. Ouais, je prends le large, t'aurais pu jouer dedans. Oui, c'est vrai. Sinon, il y a marché au soleil, mais ça, c'est impossible. Non. Je fais un bisou, Juliette. T'embrasse. Bisous, Juliette. Anaïs, on y va. Marseille, 25 ans. Bonjour, Tal. Bonjour, Koé. Anaïs de Breuil. Est-ce que c'est... Comment ça va? C'est Anaïs qui a 25 ans, mais qui a la voix qui est toujours restée bloquée. Comment tu te souviens de ça, toi? Oui, on avait oublié. Chaque fois, Anaïs, voilà. C'est quelque chose. Ça va, Anaïs? Ça va bien. Alors, Tal, je voulais savoir comment tu te prends à l'idée de faire l'Olympia? Bah écoute, c'est un rêve qui se réalise, c'est une salle mythique. J'ai toujours. Enfin voilà, même dans mes rêves, en fait, je te dis sincèrement, j'ai même pas. Tellement c'est dingue, tellement c'est irréel. Bon, donc franchement, c'est un truc de fou et j'ai hâte d'être sur scène. Ok. Voilà. Et je vais te dire que je serai là au Energy Music Tour à Marseille. Ah, fin septembre. Ok, super. Donc, bon, je verrai là-bas. Sur toi, j'espère te voir. Ouais, t'inquiète, bien sûr, on va se voir. Ouais. Bisous. Ouais. Bisous. Salut ma chérie. Ouais, ouais. Jessica de Cocherel, 19 ans. Bonjour. Je suis 19 ans, j'ai cette voix-là. Comment allez-vous? Allô. Jessica, bonjour. Bah bonjour. Elle change de voix du coup. Bonjour. Salut. Ça, on s'est vu hier, hein, je sais pas si tu te souviens. Mais si, c'est moi qui t'ai dit bonjour. Une autre. C'est quoi ton prénom? Jessica. Ah, Jessica, oui. On s'est vu hier, effectivement. Oui, en fait, j'avais une question. Est-ce que tu as conscience que tes chansons. J'ai oublié du coup. Est-ce que tu as conscience que tu as marqué la vie de beaucoup de personnes, dont la mienne, avec tes chansons et tout ça Écoute. Non, j'ai pas conscience de ça. Conscience, pardon. Mais c'est vrai que quand je regarde les messages sur Twitter de remerciements, de... Ça fait chaud au cœur en fait de se dire qu'on peut faire du bien aux gens qui en ont besoin. Donc peut-être je suis pas encore consciente de tout ça parce que c'est encore dingue et irréel de pouvoir faire autant de bien. Donc c'est que du bonheur pour moi en tout cas et voilà, et merci d'écouter mes musiques. Merci. Voilà. Ça fait 5 ans que je te suis. Je t'ai connue, j'avais 14 ans. Aujourd'hui, j'en ai 19. Waouh, c'est ouf. Ouais, merci d'être encore là. En tout cas, je pense que je serai encore là dans très longtemps. Dans 50 ans, tu seras mort, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Tu seras sur Nostalgie. Au revoir, Jessica. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et je voulais juste te dire qu'il y a encore Florine et tout ça qui t'attendent devant le studio. Ah, d'accord. Mais je vais les voir en sortant, de toute façon. Gros bisous. Ouais. Au revoir, Jessica. À bientôt. Bisous. Au revoir. Au revoir. Et j'ai dit, j'étais en train de me dire que comme vous avez été nombreux à nous poser la question pendant cet été pour le toc toc toc, est-ce qu'on allait en refaire un? Je me disais qu'il y a un moment donné, il faudrait qu'on s'en programme un. Mais avec grand plaisir. Un toc toc toc où tu pars en voiture avec moi. J'aimerais tellement faire ça. Déjà, on est sur la route tous les deux. Grave. Ils disent pas tous grave. Non, il y en a qui disent ah merde, oh, là on va être enfermé. Ben non, mais sincèrement, là je vous le dis, voilà, moi il y a pas de filtre, moi je dis les choses cash. Vraiment, ça me ferait plaisir, vraiment. Voilà. Et on va chez un auditeur ou une auditrice. Trop bien. Et qui n'est pas au courant. Et on fait. Pas au courant et on. Ouais, et on rentre chez lui, on visite la chambre et tout. Tu pourrais venir avec ma guitare? J'ai un 4x4. Alors, ouais, le gars, comment il se la perd, on peut mettre plein de trucs quoi. Guitare, tant que tu mets pas des paquets de chips. Attention, tu manges pas dans la voiture. Hein. Bon, on va finir. C'est ça, d'accord. Oui, tu l'avais dit la dernière fois. Faut pas. Avant Guillaume, la demoiselle, t'es en train de te chier dessus un peu ou pas? Oui, j'espère. Minimum, un peu de track. Je sais pas combien de temps qu'elle est là. Attends, elle est venue, elle s'est dit est-ce que je peux chanter un petit peu. Finalement, Tal lui a filé sa guitare. On finit avec toi. Pression de ouf. Tu t'es entraîné? Attends, je vais la rejoindre. Oh là là. Oh là là, la pression. Double pression. Voilà, t'assures. Et nous, on se retourne, et si c'est pourri, on s'en va. D'accord. Si jamais tu nous vois réagir, tu ne t'arrêtes pas, mademoiselle. Hein. Ouais. Quoi qu'il se passe, professionnalisme. Hein. Ok. Et oui, t'inquiète, elles sont pas là. Voilà. là tu mets un rédo là, un rédo là, regarde-moi, si voilà. On n'aime pas, on est entre va, nous, donc tu ils sont pas là, tout va bien. Fais comme si t'étais dans ton salon. Imagine le nombre de personnes qui aimeraient être à ta place là. Je sais. Mais arrête de me mettre dans la pression. Ouais, t'as vraiment pas l'intérêt à te foirer, hein, je te le dis. Tu mets une pression à 1 million de gens qui t'écoutent. Ouais, et sur internet. Si tu veux qu'Hélène Dégénérès, elle te repère. Tu mets un pantalon neuf. Attention. Ah, Lola qui attend depuis tout à l'heure, parce que vous m'avez dit plus d'auditeurs, c'est gentil, mais la petite Lola, elle attend depuis une heure de Charleroi, là. Lola. Ah merde, elle est où Oui, oui. Lola, fais un bisou à Tal. Tant pis pour la question, mais fais un bisou. Elle m'entend? Elle t'entend. Bonjour, ben, je te fais de gros bisous alors. Oh, t'es trop chou. T'as une petite question, vite fait? Oui, en fait, je me demandais si, quand tu fais un album, si tu préférais écrire les paroles ou bien composer la musique. Non, composer la musique, parce que c'est. Ça vient naturellement. L'écriture, pour moi, c'est pas encore ça. C'est pour ça que je co-écris avec pas mal. D'accord, ça va. Avec un auteur qui s'appelle Raphaël Herrera, d'ailleurs, que je fais un bisou. Voilà. Voilà. Pardon? Non, rien, on s'en fout. Bah, un auteur que je fais un bisou, comprends que tu prennes un auteur. Elle a dit ça. Elle a dit un auteur que je fais un bisou. Ouais, t'as dit ça. En fait, c'est bien de le prendre. Elle est vite. Ouais, attends, on n'a pas le temps, vous me mettez la pression là. Un auteur que je fais un bisou, c'est une honte que tu viens de te taper. La veille de la rentrée scolaire, grosse honte. Allez, au revoir Lola, je t'embrasse. Allez. À bientôt, bisous. D'accord, ma belle, bisous, embrasse tout le monde en Belgique. Allez, on y va maintenant, c'est le moment de la chanson. Ah, elle réagit plus depuis tout à l'heure, elle bougeait, maintenant elle est une statue. Rappelle-moi ton prénom. Léa, à toi, on est parti. Ah, c'est Léa qui joue. Avec Tal derrière le micro. L'impression d'une vie dans le noir. L'ennui éteint tous nos espoirs. Inconscient, une vie illusoire et incapable de voir. Mais tu sais que sans en avoir l'air, tu construis l'histoire à chacun sa gloire. S'arrêter quelques heures, s'en aller comme un avion qui passe dans ce monde qui nous laisse. Sommes-nous avec vos artistes, venez ici, ça se passe seulement sur Énergie, goetenergie.com, et vous serez peut-être devant vos artistes préférés, vous pourrez faire ça, non? C'est un bon kiff, hein? Ouais, grave. Je vous souhaite une bonne nuit, merci mademoiselle. Ça va, on n'a plus le temps, il faut y aller maintenant. Okay, on se dit au revoir, faites un bisou à Tal. Merci Léa, bien joué. Bon bisou à tous, passez une très très très bonne nuit. On vous laisse avec Guillaume, à demain, au revoir. Au revoir. Bravo mademoiselle, c'était très bien. Revient demain dès 19h sur Énergie. Une île, 4 survivants. Bienvenue sur l'île d'Énergie. Guillaume Play est le leader de cette équipe rouge. Après seulement un jour d'aventure, il a réussi à se casser le bras, prendre 12 coups de soleil, attraper 2 intoxications alimentaires, se noyer 3 fois. Il est associé à Julien le stagiaire, le recordman de l'épreuve des poteaux. Grâce à une technique particulière, il a réussi à tenir plus de 3 jours sans bouger. Son secret, baisser son maillot et s'asseoir dessus. JM du Standard, le dernier rescapé des jaunes. Toute son équipe a décidé de quitter l'aventure après avoir subi pendant toute une journée les blagues de ce joyeux candidat marseillais. Enfin, Flo Décado, un expert de la survie. Il a réussi à tenir tout en se nourrissant de ce qu'il trouvait. Canette échouée, bouteille en plastique, peau de noix de coco et mouette morte. Il ne devra en rester qu'un. Qui deviendra le dernier survivant de Guillaume Radio 2.0? Ce sera à vous d'en décider. Alors, vous êtes toujours là? Tant mieux, parce que eux aussi! Une nouvelle saison, de nouveaux fous rires, de nouveaux beaux moments. Guillaume Radio 2.0, c'est reparti dans 3, 2, 1, c'est parti! Allez, de retour à l'antenne, il est 22h. 22h02 sur Énergie. Du coup, soyez les bienvenus, Guillaume Radio 2.0. Et ça fait rire, moi, les intros qu'on se tape en ce moment là. J'espère que vous avez passé une bonne journée, les gars. Je sais que c'est la rentrée pour certains d'entre vous demain ou vendredi. On va passer une petite soirée ensemble. On reste deux bonnes heures ensemble pour bien rigoler de 22h à minuit. On essaie de rester que ça soit le plus drôle possible ensemble chaque soir. On a eu un énorme jeu des pervers hier. Quand je me fais passer pour une femme et qu'on chauffe des pervers, on va les réécouter dans deux minutes. Il y en a qui m'avaient demandé de passer sur Pro, il est prévu. Snake aussi. Il y en a qui dit c'est pas Zidane il a marqué, c'est Julien il a niqué. Julien, a niqué. Julien le stagiaire qui a enfin forniqué cet été. La dernière fois qu'il avait niqué, c'était le vrai Claude François qui chantait. Ah bon, quoi, j'ai un stagiaire. Ah ouais, ça va très bien, Guillaume, salut tout le monde. La bonne journée, ouais, trop ouais, impeccable. Bah, j'ai envoyé un message à la fille avec qui j'ai fait l'amour justement. Pour essayer de la revoir. Bah ouais, j'ai prévu un truc ce week-end, on va voir après. Elle a pas dit oui encore. Bon, bah tu nous diras. Ouais. Ça, on se tient un peu au courant de la vie sexuelle du GSP. Voilà, pas de soucis. En direct, ça va, j'aime du standard. Salut, Guillaume, ouais, ça va super. Ouais. La journée est tout tranquille. Parfait au top. Ouais. Bonsoir, Julia qui est avec nous. Salut, Guillaume, salut tout le monde. Elle s'est fait toucher par un garçon à un métro. Un toucheur. Elle s'est fait frotter. Ouais, c'est ça. Elle s'est fait tripoter. J'ai fait 8 ans. Non, voilà, 8 ans. Et elle s'est fait tripoter. Il a mis la main sur ses. Non, la tête sur ses seins et tout. Ouais, ah ouais. Il a tout compris. Il était à l'aise, il a fait un bleu bleu. Ah là là, putain. Comment ça va, Flo des cadeaux? Salut, Guillaume, salut tout le monde, très ça bien. Va, tranquille, ouais. Ouais, hyper bien. Bon, bah très bien, on a des PS4, des iPad Air 2. T'as l'impression que ça peut que aller avec cette musique derrière. Ouais, bonne humeur. D'accord, non? Ouais. On sera Florida, Pitbull. So give me the green light. Green light, déchire le morceau. Heureusement, vous êtes là, c'est la rassera la rentrée. C'est parti, la dernière avant la rentrée. Merci les gars, vous remontez un peu le moral. Merci à toute l'équipe. Salut Seb. Bonsoir les gars, demain c'est la rentrée de ma fille, mais je resterai avec vous jusqu'à minuit. Salut Caro du 7-9, gros bisous Caro. Salut. La fille que j'aimais partie à quand, je la reverrai plus, celle des primes. Heureusement, vous êtes là. Enfin, vous allez bien. Salut, tu es toujours le meilleur. Merci à Alan du 60, gros bisous à toi. Bisous. C'est parti pour la dernière aussi avant la rentrée. Bah, bon courage à tout le monde, les potos. Énorme intro. Demain la rentrée, je connais personne dans mon lycée. Je viens de déménager à Lyon. Souhaitez-moi bonne chance. Et bah, bon courage à toi. Bah, tiens, bon courage à vous tous. Hein, si vous êtes en mode rentrée, demain, un peu stressé. Pensez à moi qui allais faire un pilote de TPMP demain. J'y pas du tout. Aussi, pensez au stress. La pression. Bonsoir à toi. Moi, j'ai repris le tag aujourd'hui. Et oui, on s'est bien amusé avec les nouveaux. Et demain, et nouvelles collègues. Bon, on a quand même un peu travaillé. Salut Johanna du 78. Salut. Énorme l'intro. Bonsoir les gars et les filles. Comment ça va? Salut de retour. Trop cool d'être la cimère. Bonsoir Justine. Salut. Qui écrit cimère en mots complet, S-I-M-E-R-E, ça vient. C'est une cimère. C'est une cimère à toi aussi. Moi, ouais, je t'embrasse. Gros bisous. En tout cas, Guillaume, au début du texto, vous me le balancez au 6-11-12. Si vous voulez faire un petit coucou à l'antenne, vous êtes à la maison, hein, comme chaque soir. On se fera ce soir le nouveau jeu. Ouais. Je me ferai passer pour le médecin de famille, pour le médecin du village. J'appellerai des gens dans les villages au hasard. Je serai avec mon infirmière en chef. Oui, bonsoir, je suis l'infirmière en chef, prête avec ma blouse blanche. Là, vous avez des super promotions à nous donner. Oui, tout à fait. Pour tout diabète détecté, un sachet de Haribo sera offert. Voilà. On a plein de cadeaux à offrir, on le fera tout à l'heure. Dédicace à ceux qui ont repris lundi, on vous oublie pas, bon courage à tout le monde. Ouais. Et alors on va se faire tout à l'heure le nouveau jeu, on va se réécouter les pervers pour ceux qui n'étaient pas là hier parce que c'était vraiment un missile. Ah ouais. On va se le réécouter dans deux minutes. Il y a Ronan qui est là aussi de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Bonsoir Ronan. Oui, oui ça va, bonsoir. Ronan c'est Romain par contre. Ah c'est Romain avec un M. Romain. Oui oui un M, oui oui. Eh ben enchanté alors. Salut. Enchanté, ben, je suis vraiment content. Eh ben moi aussi, enchanté. Je suis trop content là. Ça fait 2 ans que je veux passer. C'est vrai, c'est super sympa mec, merci beaucoup. Hein. 2 ans que tu connais dans le 13. Oui oui j'habite dans le 13, oui. Port Saint-Louis-du-Rhône. Dans le sud. Ouais. Oui. Elle représente. Ouais. C'est vers quelle autre ville pour ceux qui connaissent un peu le 13 à Chine, Robagne, c'est à côté de Marseille. Fait. À côté de Marseille. Ouais. Aix-en-Provence, non? Oui voilà. Ouais. Non, pas exemple, la plus grosse ville, c'est Marseille. Bah, très bien. Oui, j'aime voilà. Standard, tu connais pas quartier de Marseille? C'est vers Boubelaire, je crois, non? Non, mais arrête de faire genre. Il parle de Marseille. C'est vers Boubelaire, non. Non, mais il fait genre. En fait, s'il faut, c'est un faux mec de Marseille. En fait, c'est un Canadien qui nous a niqué. Ça fait 10 ans, il nous a bien niqué. Port Saint-Louis-du-Rhône, j'aime du standard. Vers Arles. Pas, voilà. Oui, voilà, vers Arles. Sur mer. Bah, attends, mais tu sais pas où t'habites aussi. Ah, bah, ouais, aussi. Bon, enchanté, Romain, en tout cas. C'est sympa, frérot, d'appeler. Hein. Depuis 2 ans, t'écoutes et t'as jamais osé appeler alors. Ben en fait, si, en fait, j'avais essayé il y a 2 ans, mais bon, je n'avais pas été retenu. Mais bon, ouais, c'est pas grave, hein. J'ai continué à écouter quand même. Ah, c'est gentil, merci. J'adore. Tu n'avais pas été retenu, c'est pas un casting. Hein, c'est ça. Voilà. Alors, c'est sûr, si tu étais venu parler de je sais pas quoi, j'ai pas, c'est pour parler de quoi, on t'a pas rappelé c'était il y a 2 ans, et 2 ans, en fait, je devais faire un jeu des blagues ou je sais pas quoi. Je sais ah, le battle. Ah ouais, c'est possible. Voilà, le battle, ouais. Voilà, c'était ça, le battle. Exactement, on le fera encore dimanche, ouais, d'ailleurs, clash de la semaine. Ouais. Non, le battle, c'est un battle de l'humour, on faisait à l'époque. Ouais. C'était l'un d'entre vous qui venait voilà, des fourriers, j'ai un stagiaire. Ouais, vous balanciez voilà, deux blagues et il fallait voter. On m'avait envoyé une blague. Ah ouais, on te l'avait envoyé, c'est que c'était pas des... C'est vrai, quand on est, c'est que la première est bonne. Bah, c'est pas grave, frérot. T'as une blague, tu veux nous raconter une vanne, c'est ça ce soir? Il est chaud. Maintenant que t'es là, vas-y, crache tout. Hein, c'est chaud. Je te mets une petite musique qui met la pression. J'y aime du standard. Est-ce que t'as appris une bonne vanne cet été d'ailleurs à Marseille là? T'es parti 3 semaines à Marseille chez la famille. Quelques-unes, mais pas de missiles. Ah, c'est vrai? Franchement, je l'aime bien. À chaque fois qu'il revient, il nous raconte des missiles. Non, mais je suis déçu. À chaque fois que mes oncles commencent à parler, je les connais. Après. C'est vrai? Oh, il fait blaser. Non, mais c'est vrai. Flo, des cadeaux, t'en as pas appris cet été, non? Des bonnes blagues, non? Ah, c'est vrai. Ouais, je suis dégoûté. Ouais. Je suis pas très fort en blagues. Mais non, non plus. Il faut savoir les raconter quand même. Ouais, ouais, c'est un talent. Ouais, c'est la manière. Moi, j'ai vraiment un problème de mémoire avec les vannes. Ah, bah oui. C'est que pourtant, JM du standard, il en a quand même raconté. À l'époque, il en racontait une par jour. Ouais, c'est vrai. C'était à l'époque où il était encore frais. Il nous fait beaucoup de blagues. Et là, malheureusement, je lui en demande et il me fait une grimace avec la bouche de travers. Il me dit. Ah ouais, il a changé, je crois. Non, plus. Non, mais ah. Il s'est ramolli. J'ai tout lu. C'est vrai, que ça se fait que. Bah, t'as tout lu, tu penses. Mais comment écrire au pire des nouvelles? C'est chaud d'inventer une blague. Attends, non, mais peut-être pas en inventer une, mais. Moi, je me dirais qu'on est mercredi, il est 22h09. Si vraiment t'es un bon, et ben demain à 22h09, t'as une bonne vanne. Voilà. Allez, ou même après. Hein. C'est vrai, tu te. Moi, pour moi, si t'es vraiment un bonhomme, tu le fais à 22h09 demain. D'ailleurs, on va dire hashtag 22h09, la blague de JM. On le mettra demain. Avec plaisir. C'est un vaillant. D'arriver en top tweet. Et voilà, hashtag la vanne de JM, et on verra bien si. Hashtag la vanne de JM sur énergie. Voilà, et on verra bien ce que ça donne. Alors, JM, ça, t'auras 24 heures pour trouver une bonne vanne. Bah, j'en ai. Je vous préviens, en plus, si vous découvrez l'émission, soyez là demain. Donc, 22h09, c'est l'heure à ne pas manquer. Ah oui. Il faut que tu me le notes demain, JM, que j'oublie pas. C'est déjà noté. Là, c'est la journée de. C'est quoi déjà? C'est la journée de quoi? De prévention des overdoses. Exactement, Guillaume. C'est ça. Ouais. Déjà pris JM de la drogue cet été, non? Non. Non, ouais, de l'alcool, ouais. Bah, de l'alcool. Ouais, oui, la fête quand même. Ah, très bien. J'ai un stagiaire. Alcool aussi, ouais. Alcool, ouais. Julia? Ah, moi, rien, moi. Moi, rien. Non, non. Mais que alcool, non, mais vraiment. Elle est chiante aussi, en fait. Hein. Ah, non, c'est pas ça, vraiment. Si je peux dire, Non, non, j'ai pris des espèces de champignons. Ah, mais non, mais dis pas. C'est magnifique. Ah bah en fait je peux lire, bah alors c'est un il y a du sale le shoot là, Guillaume. Dis pas. D'accord, c'est bien. Non, mais non, regarde, c'est ça la mère. Elle est légale. Hein. Regarde, elle était vexée de J'y ça et tout. Ouais. Ah là là. Comme elle sort ça. C'est pas vrai quoi. T'as pris des champignons? Non, mais c'était un truc super naturel. Ouais, c'est ça. Et tous les drogués à Amsterdam, ils disent: ah non, je suis sûr, c'est un truc qui pousse dans la nature. Le LSD aussi, c'est une molécule de la nature, bien sûr. C'était bio, c'est quoi? Non, c'était un truc que j'ai pris en Indonésie, justement. C'est le seul truc que j'ai pris de ma vie, par contre, ça je le dis. Vraiment. Oui, mais c'est les champignons hallucinogènes. C'était pas hallucinogène, mais c'était. Non, c'est les champignons quoi? C'est pas pour faire les cèpes. Oui, non, c'est pas pour. Non, mais ils vendent, bien sûr, en Thaïlande, il y a beaucoup de champignons hallucinogènes. Pas des cèpes et tout, mais ils sont assez agressifs en plus. Là, c'était très doux, mais c'était pas hallucinogène. C'était plus. Bon, tu te sentais bien et tout, mais. T'avais un peu chaud, c'était, quoi. C'était pas hallucinogène comme à Amsterdam ou des trucs comme ça. Quoi. Et alors, et du coup, ça t'a fait quoi? Bah, et pendant 4 heures, je me sentais un peu bizarre, mais c'était cool. Mais, c'est pas très agréable, si, c'était bien? Ouais, non, franchement, c'est. 4 heures, c'est long. Ah ouais, c'est long. C'est long, mais c'était assez doux, en fait. Ouais, ouais. Voilà. D'accord. Et moi, j'ai le frère d'un pote qui est resté bloqué. Il est dans une maison spécialisée et tout, à cause des champignons. Faut faire attention. Ah, il bloque la vie. Mais c'est vrai, en fait, on a l'impression que c'est naturel et tout. Moi, j'ai vraiment le frère d'un pote qui est devenu. Il y a la moitié de son cerveau qui s'est bouché. C'est un peu de la merde. Et maintenant, il a la moitié du visage paralysé, puis surtout, il réfléchit plus, quoi. C'est un légume. Donc, faut faire très attention. Les champignons. Alors, on a repris des lunettes qui font les effets drogue. Ouais. Et on va faire un foot ce soir avec. On va faire une course de vélo avec. Oh merde. Les effets lésés pour vous montrer qu'il faut pas prendre la moto ou la, ou la voiture avec le lésé, si on peut avoir servir un truc avec la drogue en général. Hein. Tout en voilà. Salut Guillaume, quand on voit JM du standard, on voit bien le ravage de l'alcool, t'inquiète. Non, c'est une pub de prévention à lui tout seul. Salut à toi. Merci la Jean-Marc. Merci Jean-Marc. Salut mon pote. J'ai une tasse de Walking Dead pour toi, j'espère que ça te plaît. Ah ouais, putain, c'est gentil ça. Amandine, ouais. 27 ans, de Souma, tu me connais bien. Pressé de voir la vanne à Julien Stagiaire. Non, c'est JM du Standard demain. Ouais, ouais, c'est bon, t'inquiète. Ouais, vanne de JM du Standard. Salut Anne-Sophie de Caen. Salut. On verra si elle est bonne. Et t'as pas intérêt à te louper parce que sinon. Sinon, l'année prochaine, il y aura une autre Jean-Marc. Ah non. Ouais, faut mériter sa place aussi. T'as la pression. Faut pas être que là pour enfiler patate. Je vais aller au bar demain toute la journée. Écoute, bonne blague. Au bar, où tu veux, mais. Allez, on se le fera après la pizza Florida. Juste après. T'as déjà pris de la drogue ou pas, Roman, toi? Non, Roman. Jamais. On dit Roman ou Roman? Roman, très bien. Comme un livre. Eh ben enchanté, non. Roman. Non, jamais pris de la drogue. Oh, bah, mes parents, ils me tuent. Moi, ouais, même. Bah, oui. Même la drogue, elle te tue. Bah, ouais. Non, mais en plus, c'est vrai, franchement, moi, je fais trop gaffe à ça maintenant. Et alors, JM du Standard, pourquoi t'avais un peu hésité? T'as pris quelque chose cet été? Un peu fumé avec des collègues, quoi. Ah oui, c'est bon. Ah, mais l'autre, j'adore, mais il me fait. Ce mec, c'est mon héros. Ah, merci. Le mec, il me regarde avec son œil à moitié fermé comme les années 90, et genre, il est shooté encore et tout. Ouais, t'inquiète, fumé avec des collègues. Bon, bah, très bien. Tu sentais qu'il voulait le dire. Ah, mais il osait pas. T'as l'impression que c'est une fierté. Non, pas du tout. Demain, c'est la rentrée, mon anniversaire. Ça t'est pas de me conforté avec un petit cadeau. Écoute, je te fais un petit cadeau, je te passe le nouveau Kongs, je te passe Nero, je te passe Kid V, ouais. Et ça c'est du cadeau, ma gueule. Je te passerai 21 Pilot, je te cale Soprano, on se le calera aussi après. Et juste alors, Roman, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu voulais raconter un truc qui t'est arrivé là? Alors je vais vous raconter une histoire. C'est les deux fois où j'ai failli mourir dans ma vie. Ouais, oula, d'accord. Alors c'était quand j'avais 3 ans. Ouais. Ma mère était avec moi. On attendait mon frère qui devait sortir de l'école. Ouais. Il était en école primaire. Faut mieux avoir sa mère avec soi dans la rue à 3 ans, c'est toujours mieux. Parce que tout seul, c'est mon bébé. Oui, on était devant l'école de ton petit frère avec ta. De mon grand frère. De ton grand frère, pardon. Grand frère. Il a 6 ans de plus que moi. Ouais. Et donc, on attendait tout ça, et puis d'un coup, je me suis senti mal. Ouais. Et j'ai fait une convulsion. Ouais. Et quand on fait une convulsion, on avale sa langue. Ouais. Et donc, ça veut rien dire, j'ai fait une convulsion, t'as convulsé à cause d'un truc, c'est. J'ai convulsé pas, pardon, je me suis mal exprimé. Et c'était quoi, c'était une crise de tétanie, c'était quoi, genre? Je sais pas, en fait, ça remonte à longtemps, je pourrais pas vous dire le vocabulaire exact, mais je peux juste vous dire.